à Sita pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Television Television, une nouvelle télé-réalité avec de la nudité explicite fait scandale en Angleterre. Je prends les gageurs pour la date de l'annonce de l'adaptation québécoise à Musique Plus. Dans Segment Geek CX, une coronaire recommande l'interdiction complète du cellulaire au volant. Mais vous allez pouvoir continuer de conduire avec un burrito matin dans une main et un café entre les cuisses. Et dans Merci Science, des jumelles de Dolly, la célèbre brebis clonée, sont en pleine forme. Mon Mathieu Plancheau, tout de suite. Et voici celui qui aimerait cloner juste la poitrine de Dolly, mais Parton, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 27 juillet 2016, le 25 juillet. On est le 27 pour les gens directs, mais c'est la semaine du 25. Comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment geek CNX. Plus tard, l'émission, ça va être la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Ça s'en vient. Pour commencer, par contre, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et en hommage à Samuel qui nous a parlé de Pokémon il y a deux semaines. Parce que vous êtes pas tannés partout d'entendre parler de Pokémon, hein? Voici un remix, Pokémon Go Remix, It's Time to Go, par DJ Cutman. Mathieu Plancheau, ça c'est fou! Pokémon Go, It's Time to Go par DJ Cutman et CG5 au Mathieu Plancheau. Maintenant, un gars qui connaît Pokémon Go, je sais pas s'il a fini par jouer à ça, mais voici Samuel Girard et d'un gamer à un autre. Est-ce que je perds quelque chose? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ça avait l'air d'un échec, je trouvais. C'est un peu ça. Point, c'est la chanson de Game Over de Sonic. Ah, je suis quand même pas si pire. T'es pas si pire. Ouais. T'es pas si pire. J'y vais thématique aujourd'hui. T'as bien fait ça. Donc, bonjour, Samuel. Salut. Ouais, allô, ça va bien? Oui, toi aussi? La maison. Super. C'est chaud. Ouais, pas mal, oui. Pokémon Show, ça ouais. L'entendait pas. C'est parce que justement, dans le dernier 45 minutes, je marchais pour faire éclore des œufs à Pokémon Go. Tu vois, moi, je marchais comme moyen de transport. Chacun sa façon. J'ai pas besoin de Pokémon Go dans la vie, c'est ça. Je suis capable d'arrêter n'importe quel. Non, mais imagine si tu faisais fonctionner Pokémon Go pendant que tu marches. Je serais sûrement millionnaire de points ou de Pokéball, de quelque chose du genre. Ben, plutôt, tu pourrais faire éclore plein d'œufs plus c'est rapidement ça. Que la moyenne du monde. J'ai pas de pointage dans Pokémon Go. Ben oui, ça te donne de l'expérience à faire éclore des œufs. D'accord. Et plus ton niveau est élevé, plus tu peux avoir des Pokémon meilleurs. Okay. Eh bien, si je n'étais pas autant tanné dans l'entendre parler, je t'aurais demandé plus d'informations. Mais on va arrêter là. T'es si tanné que ça? Tout le monde en parle. Fait que là, c'est rendu que les nouvelles de Pokémon Go, je les enlève de mon bloc de nouvelles complètement. Ah ben, ça, je te dirais que oui, c'est fatigant. C'est ça. Mais là, d'un gamer, on peut se parler de Pokémon Go sans tomber dans les nouvelles stupides, absolument, par exemple. Absolument, absolument. Tu sais, je pourrais te dire que tantôt, j'ai fait éclore mon premier ruff. C'était un Tentacool. Félicitations. Tu as commencé quand à jouer? Parce qu'il y a deux semaines, mercredi, tu nous en as parlé et tu n'avais pas encore joué. Oui, mais dans le fond, je pense que c'est le dimanche que l'application sortit officiellement. Ouais. Le... T'attendais ça? Moi, j'attendais la sortie officielle. Un petit gossage. Ouais, c'est ouais. Ça. Ben, tu fais bien. Sur donc, un Android, genre, tu fais bien. Oui, effectivement. Fait, je le place. Oui, ouais, t'as bien placé ça. Merci. Donc, c'est ça. Donc, j'ai attendu la sortie officielle. J'ai commencé à jouer. Évidemment, mon manque de données mobiles ouais. Et mon manque de temps fait en sorte que je suis vraiment le plus pathétique de tout mon cercle d'amis qui joue. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais la batterie, c'est pire que la bande passante. C'est pas si pire que ça, la bande passante. Hein? Pour mon forfait, c'est désastreux. OK, t'as genre quelques megs seulement. J'ai quelques megs ouais, seulement. C'est ça. Donc, j'ai fait ça un moment donné. J'ai joué quelques minutes, ça a pris 3 megs. Je fais hey, c'est pas si pire, ouais. Mais pour moi, c'est une catastrophe. C'est quoi, c'est 40 megs l'heure, quelque chose comme ça? À peu près. Ouais. Si tu as téléchargé les maps de Google Maps avant de commencer. Ça, c'est autre problème que j'ai eu. J'ai essayé ça. Mm-hmm. Donc, mon téléphone, j'ai pas beaucoup de place mémoire dessus, mais j'ai tout le temps un 700 megs de libre sur le 6 gigs de place que j'ai. Ouch. Parce que juste les applications de base prennent déjà un 4 gigs. Ridicule. Et j'ai un seul jeu. Sur mon téléphone qui prend un gig. Okay. Et un gig? Ouais. Wow. C'est ça. Donc, et là, le reste, ben, c'est là, je dis OK, parfait, je mets Pokémon Go. Ouais. Il prend pas trop de place. Là, je vais aller prendre la map pour justement que ça prenne moins de batterie que la géolocalisation. Mm-hmm. Et juste télécharger la map de Trois-Rivières, c'est 300 mégas. Aïe, aïe, ouais. Mais petit cue pour ceux qui ont un téléphone, un iPhone, mettons, de 8G ou même comme ouais. Un Android. Si vous avez beaucoup de Angry Birds, tu sais, les Angry Birds Space, Angry Birds Go, Angry j'en Birds, ai aucun. Il y en a plusieurs qui pèsent 1 gig chaque. Ouf. Faites attention à ça. Faites juste enlever les Angry Birds, vous allez avoir pas mal plus de place. Votre ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, dans mon cas, j'ai juste un jeu de golf. Ah, ouais. Ouais, comment qu'il. J'ai un blab le nom, ça va super non, mais bien. Si c'est le seul jeu que tu as, il doit valoir la peine, donc il faut le conseiller aux gens. Ben c'est ça, c'est Golf Star. C'est personnellement pour avoir, parce que je suis un fan de golf, puis ça me prendrait un petit jeu de golf sur mon téléphone. Mm-hmm. J'en ai essayé plusieurs et il est de loin supérieur au deuxième meilleur que j'ai trouvé. Ah, OK, wow. OK, c'est à ce point-là. Mm-hmm. Donc, s'il y a des gens qui aiment ça, les jeux de golf, Golf Star, je le conseille. Et il est très difficile. C'est ce que j'ai aimé du jeu parce qu'il y a beaucoup de jeux de golf où, un coup que t'as y a tout le temps une espèce de synchronisation à faire pour frapper avec le bâton. Pareil comme avec Pokémon Go, là. Ouais, t'as c'est ça. Ton bâton comme une Pokéball. Exactement. Faut descendre au niveau des mais gens. Un coup que tu l'as, ben le jeu devient extrêmement facile. C'est ça. Ça, c'est ce que je reproche à beaucoup de jeux de golf. Okay. Alors quand que j'aime twist, ça. Tu commences à le... C'est ça. Mais là, qu'est-ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, même quand que t'as la twist, il y a tellement de facteurs qui peuvent encore te faire rater. Là, c'est incroyable. Et là, ça devient un défi intéressant. Ouais. Je sais que j'avais dit que je parlerais pas trop de Pokémon Go avec les gadgets, là, mais as-tu vu ce case de iPhone là, dessus? Oui. Tu fais juste glisser ton doigt jusqu'à la bonne place, puis ça te fait que ta Pokéball va tout le temps atteindre le but. Ouais, ça, il avait commencé à faire ça aussi quand on avait eu le jeu de basketball okay. sur notre sur téléphone. Messenger, ouais, c'est ça. Puis merci à mon ami qui m'a fait jouer énormément à ce jeu-là. Donc, elle voulait tellement me battre. Puis moi, je voulais garder le meilleur pointage. Ouais. Donc, je rejouais tout le temps pour. À chaque fois qu'elle me battait, je rebattais son pointage. Et là, quand maintenant je joue à Pokémon Go, je suis comme, ben, c'est donc bien facile. est-ce que tu es du même avis que Talia Baudin qui dit que le jeu de soccer, football, qui est sorti sur Messenger est vraiment pas aussi fun que le jeu de basket? Ben, c'était impossible de battre le jeu de basket. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, je suis d'accord avec Tania. Bon, d'accord. OK, bon, dis-nous de quoi tu vas parler aujourd'hui, parce que là, je me sens pas dans mon environnement quand j'ai pas de musique de fond, fait qu'il faut que je trouve une musique de fond. Ah, c'est vrai. C'est plate rare, là. C'est vrai. On se croirait à Julien Liberté, c'est une joke. Mais je suis pas capable d'animer pas de musique de fond. Mais c'est correct. Dans le fond, je veux parler de 3 mini-séries qu'il y a sur YouTube, mm-hmm. et c'est des séries qui vont toucher Sonic, Mega Man et Mortal Kombat. Donc, mis la trame sonore de Mortal Kombat une fois. Je me rappelle avoir mis Sonic aussi. On pourrait mettre Mega Man. Vas-y avec Mega Man. Je suis d'accord. Est-ce que tu as un préféré de Mega Man? J'aime vraiment Mega Man 2. Mega Man 2. Bon, ouais, ce sera ça pour ta chronique. Bon. Puis si un moment donné tu veux changer, tu peux aller vers Mega Man X. OK, parfait. Donc, je te laisse ça libre à toi. Ah, t'aimes ça? Oh, ah, c'est bien. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, une chose qui a été rendue populaire, ça fait de ça quelques années, c'est de faire des séries basées sur les jeux vidéo, des séries humoristiques animées sur Internet. Pas avec des humains, une chance. Non, pas avec des humains. Donc, c'est ça, on a vu ça beaucoup sur des sites comme Newground, où les gens faisaient des petits vidéos flash avec Sonic, Dragon Ball, Mario, des affaires de même. Mais il y a Machinima, ouais. Je sais pas si tu dois connaître ça. Ouais. Donc, ils ont une chaîne YouTube assez remplie de contenu. Donc, eux, il y a quelques années, ils ont décidé de faire 3 séries. Ils ont commencé par la première, qui est Sonic for Hire. Mm-hmm. Okay? Je l'ai déjà mentionné dans l'émission ici, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc, ils ont pris Sonic, qui après plusieurs jeux catastrophiques, est maintenant à la retraite, puis personne ne veut l'engager. Ce qui est quand même basé sur quasiment un fait vécu, parce que c'est tout des flops, les jeux de Sonic récemment. Sauf le dernier qui vient d'annoncer pour le 25e anniversaire, qui a l'air le fun, rétro. La petite bande-annonce qu'ils ont faite, ça a l'air sublime. Wow! Sérieusement, là, ouais. Ça vient un peu rechercher le style de Sonic Generations que les gens avaient aimé. Mm-hmm. Mais là, on dirait qu'ils veulent pousser ça encore mieux. Misez donc sur les affaires qui fonctionnent, exactement. J'aime ça, les affaires qui fonctionnent. Ouais. Et en plus, en faisant un hybride avec des niveaux en 2D, des niveaux en 3D, tu t'assures d'aller chercher les gens qui ont aimé les jeux de Sega Genesis et ceux qui ont aimé les jeux de Sonic au Dreamcast, les Sonic Adventure. Fait que ça, c'est bien. Mais sans les petites chansons pop avec un chanteur avec une voix bizarre. Ouais, ça, j'aime pas ça. Je les aime bien, par contre. Je les ai dans mon cœur, ces chansons-là, mais c'est tellement cheesy. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime mieux, dans le fond, la bande sonore des jeux Sega Genesis. Ok, oui, je comprends. C'est ça. Ouais. Mais j'avoue que ça, la parole, sûrement que pour un jeu. Ouais. J'ai rien qu'on l'avait qui sortait en CD avec des paroles par-dessus. Mais dans le jeu, enlever ça. C'est un peu déconcentrant de jouer de descendre avec une planche de skate d'une montagne, mais que t'as une chanson de boys band qui joue par-dessus. Ça, c'est bien résumé, c'est étrange. Ouais. Donc, Sonic for Hire. Donc, on retrouve Sonic dans l'épisode 1 dans son appartement, miteux. Sa télévision, c'est un poster de Kobe Bryant. OK. Tout est sale. Et là, t'as Tails, Monsieur Miles Prowler. Le petit écureuil avec deux queues. C'est ça. Okay. C'était beau, dis-moi. C'est ça. Je suis bon pour résumer les affaires. Ben oui, c'est parfait. Donc, il arrive, puis il dit, là, Sonic, t'as pas encore payé ton loyer ce mois-ci, là, il serait peut-être temps que tu fasses de quoi de ta vie. Uh-huh. Et Sonic, il dit, je vais me trouver des jobs, OK? Je vais être employé par quelqu'un. Des jobines, à la Patrick Groux, là. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il se fait engager dans l'univers de d'autres jeux vidéo pour remplir des rôles. Donc, l'épisode 1, il va dans Paperboy livrer des journaux. Wow! OK? C'est déjà ça. Toute la série est basée là-dessus. Plombier dans Mario, des trucs comme ça. Non, ça, ils ont pas... C'est trop facile, mais c'est un exemple. Ouais, c'est ça. Mané, il est engagé par Pac-Man pour tout ramasser. Qu'est-ce qu'il y a de... Fait qu'il fait juste un spin dash, puis il fait le niveau dans le temps de le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il est engagé pour s'occuper de Mother Brain pendant une fin de semaine. Donc, il a un peu joué au babysitter. C'est dans Metroid, c'est ça? Ouais, c'est dans Metroid. Et là, c'est Tails qui a trouvé ça, puis finalement, ben, Sonic, il décide de se laisser aller. Il boit une coupe de verre, parce que Mother Brain est affreux. Donc, il décide, regarde, je vais m'aider pour ça, puis il commence à boire. Mais il boit trop. Et ça fait en sorte qu'il part sur une dérape avec Mother Brain. Et là, au bout de la fin de semaine, quand ça finit, ben, quand il arrive pour partir, Mother Brain, il dit, puis qu'est-ce que tu fais de notre enfant? Ouais, c'est ça. Puis là, Sonic, il fait comme... Ça fait comme, hein, notre enfant? Il dit, parce que ça fait 2 jours qu'on se connaît. Ouais, c'est pas une autre espèce. Mais c'est ça. Et là, c'est la fameuse phrase qui a marqué tellement de gens sur les internets. C'est I pop baby like a goddamn gumball machine. Je fais sortir des bonbons de mon endroit comme une machine à bonbons. Des bébés comme une... Bébé. C'est ça, comme dans une machine à bonbons. Donc, Sonic, à partir de quelques épisodes, arrive avec un enfant qui s'appelle Sonic quoi? qu'on sait pas. Ouais, c'est ça, qu'on sait pas si c'est un gars ou une fille. Ça fait un hybride américain un peu. Ouais, c'est Sonic, ça. Quoi. Sonic quoi. Et c'est un hybride entre Mother Brain et Sonic, le bébé. Wow. C'est de toute beauté. Une chance que c'est elle qui a accouché de ça, parce que si c'était Sonic qui accouchait, ça aurait fait bobo. Ça aurait, ouais, effectivement. C'est ça, donc il y a Kirby comme personnage principal aussi, qui engage Sonic un moment donné pour venir aider Kirby à vaincre les méchants dans le monde de Kirby. Sauf qu'on le sait que dans Kirby, c'est toutes des petites créatures cute qui arrivent avec des parasols. Ouais. Là, Sonic est comme, ben, c'est des robots, c'est des machines, puis on va libérer des petites créatures qui en emprisonné là-dedans. Il est habitué de faire ça. Puis Kirby fait comme, non, c'est des vrais animaux. Puis là, t'as Kirby qui sort un marteau puis qui écrase une des bébites. Ah. Puis là, Sonic, il fait comme, t'es un psychopathe, il s'en va. Ah, ça a l'air bon, ça. C'est très vulgaire, ça parle de sexe, il y a du sang, c'est dégueulasse par moi-même, mais c'est tellement drôle. Wow. Et là, t'as volé un seul punch, donc on peut regarder le reste de la série. Là. J'ai juste parlé de la saison 1. Ah, okay. Il y a 7 saisons. Oh boy, oh wow. C'est tous des épisodes de 2-3 minutes. Ah. Plus ça avance, plus c'est long. Il y a des épisodes un peu plus longs. Et il y a tout le temps plein de choses, comme à un moment donné, un moment donné, Mario fait son entrée. Ouais. OK? Mais en tant que chef de la mafia qui dirige l'univers des jeux vidéo. Un racisme! Ok, c'est ça. Il est donc, italien, fait qu'il est dans la mafia. Hein? C'est ça, ouais. T'as tout compris. Donc, sérieusement, ça, c'est la meilleure des trois qu'ils ont fait. C'est tout le chinois qui a fait les trois séries dont je veux vous parler. Ouais. Et celle avec Sonic, c'est la meilleure. Et souvent, sur la page YouTube de Machinima, t'as des playlists où tu peux regarder tous les épisodes d'une série. Exactement. C'est en plein ça. Et même, il y a des gens qui ont fait des montages puis ils ont mis en un épisode la saison complète. C'est pas de mauvaise idée, ça. Parce que si vous allez sur Machinima, il va y avoir des pubs, il va y avoir toutes sortes de choses là, à chaque épisode. Donc, eux autres, il y en a qui ont fait des montages et ont mis ça sur leur chaîne. Faudrait surtout pas que la compagnie fasse de l'argent sur le travail, le dur labeur qu'ils ont fait pendant des mois. Hein? C'est ça. C'est ça. C'est quand ça. Même. Hein? Je paierais pas une pièce pour une application. C'est hein? ça. Et surtout que Sonic Fire a frôlé des fois le million par épisode. Mais c'est pas de raison, ça. C'est comme dire que, en tout cas, moi j'en barre pas là-dedans. Hein? C'est bon. J'en barre pas là-dedans. C'est bon. Ouais. La deuxième série. Deuxième série. Oui. Donc, c'est Mega Man Dies at the End. OK. OK, là, tu voles le punch, puis dans le titre. Ben, qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Ah, je sais pas. Ah. Oh. Donc, c'est ça. Donc, on retrouve Mega Man 15 ans après sa dernière aventure. Et en fait, il a perdu l'amour de sa vie. OK. Elle a été kidnappée et il l'a jamais retrouvée. Donc, Mega Man s'est retiré dans le bois avec son chien. Et c'est ça. Et là, il y a. On vient le chercher. Pour lui dire, ouais, cherche Megaman pour une mission importante. Là, lui, il dit, vous faites erreur sur la personne, je vous demanderai de partir. Ah. Puis là, la personne dit, non, c'est parce que je le sais où est-ce qu'elle se trouve. Puis la personne fait comme, ouais, tu sais, pour l'erreur sur la personne, là, écoute-moi pas, c'est ma phrase classique. Là. C'est ça. Et donc, Megaman est envoyé sur des missions pour retrouver l'amour de sa vie. Est-ce qu'on sait c'est qui l'amour de sa vie dans les jeux? Ou? Je le sais pas, j'ai pas assez exploré l'univers pour te dire vraiment si ça a été amené dans l'univers du jeu vidéo, ça vient-tu de la série animée qui a été faite. Ouais. Tu sais, puis il y a tellement eu d'univers Megaman, Megaman Japonais X, Megaman aussi. ZX, bon, toutes sortes d'affaires. Fait que je m'embarquerai pas là-dedans, parce que je veux pas donner une fausse information. Mais moi, je pense que le personnage apparaît à un moment donné, une espèce de fille robot. C'est pas un nouveau personnage qui a été créé pour la série. Non, c'est sûrement. Ça. C'est ça. Mais je veux pas m'embarquer sur d'où est-ce qu'elle sort. Ouais. C'est ça. Et on sait que Mega Man, le jeu, c'est il bat des ennemis, puis il peut prendre leur pouvoir. Ouais. Donc, s'il bat Bubble Man, ben, il va avoir une arme qui va lui permettre de faire des attaques Bubble. Mmh. OK? Donc, on amène Mega Man dans l'univers de plusieurs jeux. Okay. C'est le même principe exactement que Sonic. Parce ouais, que là... excepté qu'il doit aller battre le personnage d'un autre jeu pour prendre son pouvoir et continuer sa mission. Hmm. Donc, c'est encore une fois un concept de plein de jeux vidéo mélangés. Ça reste toujours très très intelligent comme concept. Oui, je trouve ça vraiment bien. Ça a duré pendant 2 saisons. Ah. OK, beaucoup plus court. Parce qu'à un moment donné, il sortait un épisode parce que ça jouait en même temps que Sonic for Hire. Et là, t'avais un épisode de Sonic for Hire qui sortait, ça pognait les centaines de mille de vues en l'espace de quelques jours. Et après ça, il sortait un épisode de Mega Man Dies at the End et ça pognait quelques dizaines de milliers de vues seulement. J'avoue que c'est quand même... c'est très connu comme série, là, mais c'est moins connu que Sonic. Et personnellement, ils ont moins bien réussi le concept qu'avec Sonic. Sonic, c'est drôle, t'as le goût de réécouter l'épisode. Megaman, OK, suis l'histoire, puis après ça, c'est tout. Ouais. OK, donc, moi, je pense que côté humoristique, ils l'ont moins bien réussi. Mmh. C'est ce qu'il doit avoir expliqué un peu ce côté-là. Il y a quand même beaucoup de très bons gags dedans, donc je la recommande pareil. Moi, je l'ai tout écouté quand même, mais c'est pas celle que je vais réécouter le plus. Okay. OK? Donc, c'est ça, le titre qui est très cocasse en même temps. Et tout dans le générique, où c'est que il y a le générique un peu de Mega Man 2, où c'est que ça monte la tour, là, le titre qui apparaît, puis là, ils écrivent le « Dies at the end » en dessous. Ouais. Puis là, tu vois juste comme juste un mec qui regarde, là, tu fais comme « Hein? Quoi? » c'est très humoristique. Ouais. Et la troisième série, qui est basée sur Mortal Kombat, c'est Mortal Kombat. Mortal? Mortal. Mortal Kombat. Ouais, oui. C'est ça. Donc, on retrouve Mortal qui a son emploi de bureau et ça commence avec son boss qui l'engueule parce qu'il est pas assez vite dans les tâches qu'il doit faire. Donc, c'est un employé de bureau, un fonctionnaire. Puis là, son boss, il demande de faire de quoi? Puis il dit, ouais, c'est parce que c'était mon break de dîner qui commençait là. Pis son boss, il dit, t'as 3 minutes. Puis après ça, dans mon bureau. Fait que là, il fait comme, OK, il part à la course, il arrive devant le micro-ondes, il met ses ramen au micro-ondes. Ouais. OK? Puis Mortal, c'est le genre à lunettes, la posture un peu par en avant, les culottes très hautes avec une ceinture vraiment serrée, ouais. Sa petite chemise couleur unie, là. Mm-hmm. Tu vois le genre ouais, un ouais. peu. Et là, il regarde le micro-ondes, il fait comme, bon, c'est quelle la plus haute puissance pour que mon repas soit prêt le plus vite possible? Là, il regarde les numéros, puis à la fin, c'est écrit Outworld. Il dit, ah, oh, il y a une puissance out of this world sur ce micro-ondes-là. Il pèse dessus, il y a un portail qui ouvre puis il est aspiré dedans. Wow. Et Outworld, ben c'est le Outworld de Mortal Kombat. OK. OK. Donc, il est transformé dans le univers de Mortal Kombat. Et là, t'as Shang Tsung qui arrive. Il fait comme, t'es qui toi? T'arrives de où? Là, il dit, j'étais dans mon bureau. Il dit, j'ai pesé sur Outworld sur mon micro-ondes en faisant cuire mes ramen. Puis il dit, je suis arrivé ici. Là, c'est une question qui dit, ah oui, t'as acheté telle marque de micro-ondes. Il dit, c'est vraiment pas conseillé ça. Et puis aussi, c'est quoi un micro-ondes, c'est quoi des ramen, puis c'est quoi un bureau là? Ouais, c'est ça. Hein? Il savait très bien quoi. Ouais. Fait que là, Maury, il dit, bon, ben, je peux-tu juste retourner chez nous vu que vous avez l'air de comprendre la situation? Il dit, non. Il dit, maintenant, c'est moi ton boss. Puis il dit, si tu veux partir, faut que tu gagnes le tournoi. Ah. De combat. C'est ça. Ouais. Et là, il se ramasse dans l'univers de Mortal Kombat et il commence à être formé par Raiden. Jax devient son roommate. Fait qu'il se ramasse en appart avec Jax. Et là, c'est faut qu'il fasse des combats pour se rendre à un certain point où il va pouvoir quitter ce monde-là. Encore une fois, très humoristique, très drôle de nous amener les personnages de Mortal Kombat et de les caricaturer. Ouais. En les faisant parce parler. Eux, on n'avait aucune personnalité d'aucun. Là. Il était juste une apparence. Il y a eu des films, mais c'était pas vraiment le même. Ouais, là, c'est ça. C'est fait à partir des sprites de Mortal Kombat 1. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans le temps où on n'avait pas d'histoire sur les personnages à part un petit texte. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de réaction, il y avait pas de voix. Mm. Donc, c'est ça. C'est pas comme les Mortal Kombat plus récents que là, il y a des histoires, ils ont donné des personnalités, puis ils ont des styles de combat différents. Mm. Donc, c'est ça. Mortal Kombat, une saison, okay. Malheureusement. Ouais. J'ai l'impression que Machinima a complètement éliminé le département des petites séries comme ça de sa chaîne. Ça fait en sorte que Mortal Kombat, qui avait annoncé une autre saison, finalement, on n'aura jamais la suite. Eh, maudit. Mais la saison 1 vaut la peine, je vous la recommande. OK. C'est intéressant, ça. Intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que sur la page Monsieur Plancho, je vais mettre le premier épisode de chaque série. Ah, t'es fin. C'est Monday, ça, tu cliques dessus, puis après ça, ça ajoute ça. Exactement. Ah, wow. Donc, vous allez pouvoir, si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir aller écouter ça. T'es bien fait de pas mettre le lien vers le montage de quelqu'un qui a tout mis ça ensemble. Non, j'aime mieux la playlist parce que qu'est-ce que j'aime pas de ceux qui ont fait le découpage, c'est que à la fin de chaque épisode, quand que t'as les credits, ouais, le générique qui joue, ouais, générique, ouais. Ils font tout le temps jouer l'extrait le plus punch et le plus drôle de l'épisode de 2-3 minutes. Puis ils ont enlevé. Puis c'est ça, que ceux qui ont fait le découpage pour qu'il y ait une transition, ils ont découpé ça. Mais au moins quand tu les écoutes normal, c'est tellement plaisant d'avoir la punchline de l'épisode. Ouais, tu peux en plus deviner ça va être laquelle. Puis... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tellement... Puis souvent, en plus, ils mettent quand que les... ceux qui ont fait le voice acting... Mm-hmm. Quand ouais, c'est ça. J'ai de la misère des fois que les... Je suis là pour toi. J'y trouve pas beau. Je suis là pour toi. C'est ça. Ouais. Merci. Donc, c'est ça. Donc, eux, en fait... ils mettent des fois la scène où ils partent à rire en faisant la phrase vraiment comique. Ouais. Fait que c'est encore plus légendaire. Fait que là, t'entends le gars qui imite la voix, il fait la phrase. Puis après ça, t'entends les deux... font les voix qui partent à rire, parce que je pense qu'ils sont juste deux à faire les... Mm-hmm. Des fois, des petits invités par-ci par-là, mais ils sont juste deux à faire toutes les voix. Wow. très cool. Un autre petit cue, là, un petit conseil pour les gens à la place d'aller voir les montages là, faits par quelqu'un qui veut absolument pas que la compagnie fasse de l'argent. Puis que peut-être qu'il y aurait pu avoir plus de saisons s'il y avait eu plus de monde dessus. On va se le dire. Oui. S'il y a eu plus de monde, plus de cash, plus de séries. Hein? C'est ça. J'allais dire, trouvez-vous donc une petite application dans Google Chrome pour bloquer les pubs sur YouTube à la place. Hein? Oh! Non, mais tu sais, comme ça, t'auras pas à aller voir les pubs, mais les autres, ils vont avoir le crédit pareil. Exactement. Pensez-y. C'est le même, ça marche. Ben oui. Mmh. C'est ça je fais. Ouais, mais là, il y a de plus en plus de sites qui ont des façons de t'empêcher d'utiliser. Ouais, ça m'énerve. Ouais, moi aussi. Mais tu peux bloquer le pop-up que ça fait, par contre. Dans les logiciels de blocage de pub, tu peux dire bloquer une pub sur cette page, puis là, tu prends le pop-up que par-dessus, oui. Puis le cadrage, puis t'es bloques, puis tu gagnes. Tu sais, les pages qui mettent un genre de filtre noir et blanc ou un filtre fade par-dessus, tu peux bloquer ça aussi. Oh. Avec les logiciels de blocage. C'est bien ça. Ouais. Merci de l'info. Fait plaisir. Parce que moi, ben, tu sais, c'est rare les places que ça, mais ça, j'endure les pubs dans ce temps-là. Tout à fait. C'est ça. Tout ce que j'ai dit, c'est les sites comme. C'est quoi? C'est le New York Times, je pense, qui te. Sur une même adresse IP, t'as le droit de lire 10 articles par mois. Après ça, tu vois juste le premier paragraphe, genre. Ah. Là, il faut que tu contournes vraiment de drôle de façon. C'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Alors que d'habitude, les quotidiens, ils mettent tout en ligne, puis. Ouais. C'est bizarre. Mais en même temps, c'est parce qu'ils veulent que les gens achètent le journal. Ils ont raison. Tu sais, c'est un peu une façon de sauver leur business, si tu veux. Tout à fait. Ouais. C'est ça, on en avait parlé un petit peu il y a deux semaines. Je vais finir avec ça, mais dans le fond, la semaine dernière, j'ai commencé à avoir mes invités dans mon émission. De cosplay et autres trucs. Donc, on a fait cosplay, on a fait podcast de e-sports, puis on a fait jeux vidéo. Et donc, ça a été confirmé que je vais procéder à une partie de l'animation de l'événement Extra Life qui va avoir lieu à Saint-Hyacinthe. Wow, félicitations. Pour ramasser des fonds pour Opération Enfant-Soleil. Ah. Donc, je vais animer une partie du 24 heures. Et en plus de tout ça, ben, on m'a demandé aussi de présenter quelques speedruns. Crime. Donc, ça devrait être une très belle journée. Donc, ça a été annoncé. On en a parlé à l'antenne ici. Donc, on va pouvoir faire un petit peu le suivi de tout ça cet automne sur l'événement, qu'est-ce que ça va rapporter. Il va y avoir des gens de partout au Québec qui vont y aller. Donc, ça, c'est très bien. Une vraie vedette, Samuel Girard. Wow. Ah! C'est ça. Oui, ça mène loin faire de la radio. Ben oui, oh. La vie est belle. C'est ça. Donc, c'est ça. Et en même temps, eh bien, on va peut-être développer aussi un beau petit partenariat avec les sportifs du clavier qui ont une émission sur les jeux vidéo et surtout sur le e-sports. Mm-hmm. Donc, les fameux jeux en ligne et les compétitions qui se font un petit peu au niveau mondial parce que le Québec devient de plus en plus important sur cette scène-là. Donc, on essaie de développer des équipes ici, des gens qui vont à l'international faire des compétitions. Et on a des gens passionnés au Québec qui veulent parler de ça et qui veulent faire connaître ces choses-là. Donc, ça se pourrait très bien qu'à l'antenne, on se retrouve avec ces gens-là qui vont pouvoir nous faire part un peu de ce qu'ils présentent de temps à autre. Ça serait le fun. Ben oui. Donc, des beaux projets qu'on peut faire ici avec des bonnes collaborations. Absolument. C'est le fun que tu en parles aussi parce que j'ai tendance à un peu moins en parler au Mathieu Planchot parce que ça m'intéresse pas pantoute. Mais c'est ça. Cosplay puis jeu e-sport, ça m'intéresse juste pas, fait que j'en parle pas, mais c'est cool que quelqu'un en parle. C'est comme j'aimerais que quelqu'un parle de jeux de société, de jeux de rôle, ce serait cool aussi parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Ben, je comprends ton point, mais moi aussi, c'est pour ça que j'ai invité ces personnes-là parce que c'est des sujets que je suis pas amené à me renseigner, à les lire là-dessus, bon, tout ça. Donc, je trouve ça bien d'avoir quelqu'un qui connaît ça et qui a le goût d'en parler, et là, on peut échanger avec ça. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Oui, donc c'est comme ça que c'est ça qui a instauré une belle complicité entre les gens. Ouais, il faut plus de ce genre d'émission-là, c'est fou. Et dans les radios universitaires en général, je trouve, parce que j'ai regardé les horaires des autres, puis il n'y en a pas tout le temps des émissions comme ça. Il y en a quelques-unes, mais. Ouais, c'est ça. C'est rare. C'est ça. Mais c'est ce que j'aime au Monsieur Plancher. Beaucoup de gens qui me disent c'est bien, c'est unique comme concept. Il n'y a pas ça ailleurs. Ouais, ça serait le fun si je parlais de choses qui m'intéressent pas, mais c'est difficile pour moi. Moi, sauf que sûrement que ça paraîtra maintenant, non, si tu parles de choses qui t'intéressent pas. Moi, on parle de sport électronique, là. Ah, fait que là, RDS, il y a Phil Laprise pis Tommy Verge. Non, mais tu sais, pour vrai, je regardais l'autre fois, on était ensemble, et je regardais à RDS qu'il y avait Tommy Verge, pis c'est-tu ça, Laprise, en tout cas, le gars? Ouais, je pense que oui. Oui. Pis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font RDS? Ben, ils font du e-sports. Ouais. Mais c'est drôle, parce que pour réussir à rendre ça intéressant à TV, on dirait, c'est comme pas du tout une émission de sport. C'est juste une émission de gens assis devant la TV qui jouent à des jeux vidéo. C'est pas la même chose que tu t'attendrais à voir d'un match de hockey en levant, tu sais, genre, mais fait avec des jeux vidéo, t'sais. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est parce que faut qu'ils essaient de remplir la programmation. Ouais. Parce que t'as pas tout le temps les droits de présenter une compétition d'un aréna avec 20 000 personnes qui regardent, avec l'ambiance, puis la diffusion sur écran géant, avec des commentateurs, tu sais. J'ai l'impression qu'ils sont pas encore rendus là. Et en attendant, ben, ils font avec qu'est-ce qu'ils ont. C'est ça. Puis pour remplir, ben, ils font à la place des jokes d'humoristes de VTL. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Où on engage les joueurs de la nationale qui s'affrontent à NHL. Ah, ça, j'aime pas ça. Ouais, ça, c'est. Ouais, ça, j'ai vu ça beaucoup, moi, dernièrement. Ouais. Pour, pouvoir passer du e-sport sur leur chaîne. Mais tu vois, moi, les seuls moments où j'ai écouté RDS, c'était à la chasse galerie. Fait que je vois pas ces affaires-là. Ben, c'est juste, bien. Je vois juste du poker puis du billard. Ah. Le billard, c'est correct. Le poker, je suis un peu tanné. Ouais, c'est ça. Bref, hey, est-ce qu'on t'écoute à Génie en Liberté les jeudis matins de 9h30 à 11h? Oui, cette semaine, c'est la tout. Dernière de l'été. Ouais. C'est ça. Par contre, faites-vous-en pas, je laisse pas la case horaire vide. Donc, je vais quand même meubler avec plein de beaux souvenirs durant le mois d'août. Oui. C'est ça. Donc, au moins finir l'été en beauté. Donc, je veux pas que les gens se ramassent d'un coup à s'intoniser à 9h30 le jeudi. Comme, mais il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, non. OK, je vais quand même travailler un petit peu puis vous offrir de quoi. Mais on va se ressourcer un peu et on verra après ça à l'automne selon mon nouvel horaire de travail. Oui, une chose à la fois. Parce qu'il a déjà dit son au revoir sur un mois de temps. Genre, ça me fait que, tu sais. Oui, c'est puis ça. Il est encore là. Non, mais on tient encore son au revoir. Voilà, là, on est juste en rappel depuis. Ah, OK. C'est ça, mais c'est encore comment? Le même au revoir de décembre oui, qui tient. Je comprends. C'est un long au revoir. C'est comme Dominique Michel. C'est ça. Tu as tout compris. Pareil. Ah, wow. C'est comme Scorpions. J'ai été voir en 2010 le tournée d'adieu. Oui. Ils ont sorti un autre album puis ils font encore des tournées. Hey, tu te prends pas pour la merde, toi. Je suis comme Scorpions. Mon petit pendant, Donald Trump. Oh! Hey, ça se peut-tu, toi? Donc, jeudi, 9h30 à 11h. On rappelle, les samedis de 10h à 11h30 sur nos ondes. C'est FIFU89FM. Merci, Samuel Girard. Ça me fait plaisir. Et nous, on devrait se retrouver en septembre pour la prochaine chronique. Vrai, j'avais oublié que ça affectait ça. Oui. Mais oui, je prends congé de presque tout pour le mois d'août, c'est ça. Je n'y avais pas pensé. C'est donc, ça. Donc, c'est dernière de l'été aujourd'hui. Oui. On verra si je prends pas des petites cotes de quelque chose pour. Ben, pourquoi pas? Juste des bouts de chronique, juste les bouts, genre le début de chaque chronique depuis. Juste mes rires, toute collection de mes rires. Ouais, ou juste les bouts où je te dérange pendant ta chronique en faisant des jokes plates, genre. Oh! Hey, ça serait bien! Ouais. Merci, Sam. Ça me fait plaisir. À bientôt. On écoute la pièce qui était en train de jouer en ce moment, c'est Dr. Wily's Castle 2 sur la trame sonore de Rockman 2 au Japon ou Megaman 2 aux États-Unis en Amérique du Nord. Et on se retrouve après la pause avec Television, reste là. Ouh, c'était peurant, ça. C'était Voodoo Lion et un remix hip-hop de Pokémon Lavender Town. Au Mathieu Plante Show, et maintenant, c'est Television Television. Télévision, Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours au Québec, au Canada, aux États-Unis, dans le monde entier, sur Internet. Commençons par notre seule nouvelle du Québec, mais par le Canada, via le Canada. Le créateur de la mouture anglophone de Nouvelle Adresse mentionne qu'il s'efforce pour ne pas refaire les mêmes erreurs que la version québécoise. Le Journal de Montréal a révélé que l'adaptation anglaise de Nouvelle Adresse qui s'appelle This Life pourrait prendre une tournure différente de celle de la mouture originale. Alors que là, évidemment, un spoiler alert ici pour ceux qui n'ont pas écouté Nouvelle Adresse et qui pense la regarder. Donc, alors que Nathalie, le personnage interprété par Macha Grenon dans la version francophone, mourait à la fin de la deuxième saison, il est possible que celle-ci vainque la maladie dans la version anglaise. Le créateur de This Life, qui s'est entretenu avec le journal récemment, a mentionné avoir appris du parcours de la série de Richard Blémère. En effet, Nouvelle Adresse a été très populaire lors de ses deux premières saisons, mais a connu une baisse considérable de 200 000 téléspectateurs lors de la troisième saison. Les plans pour une quatrième ont été d'ailleurs annulés. Blémère mentionne qu'en adaptant une série, les créateurs reprennent les éléments positifs, mais essaient de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et au vu et au su de codes d'écoute, cette décision de tuer l'héroïne n'aurait peut-être pas été une bonne idée. Reste que la décision finale n'a pas encore été prise, mais Richard Blémère envisage sérieusement la possibilité de voir Nathalie Lawson vaincre son cancer. Les tournages de la deuxième saison ont lieu présentement à Montréal et se termineront au mois de septembre. On reste au Canada, où le Netflix canadien est maintenant disponible sur Xbox One. Bell Media a annoncé que Crave TV est maintenant disponible pour les abonnés de Xbox One. Les abonnés de Crave TV qui ont une Xbox One peuvent maintenant regarder des milliers d'heures de leur programmation de télévision premium préférée directement à partir de leur console de jeu sur leur écran de télé. Le lancement de Crave TV sur Xbox est la dernière version du service canadien de vidéo à la demande, qui est actuellement disponible via des applications mobiles sur iOS, Android, Microsoft Windows 8.1, le web, Apple TV, Chromecast et les Samsung Smart TV. Xbox One offre un accès facile à l'ensemble de la bibliothèque du service de diffusion canadien. Avec ce lancement, les utilisateurs ont désormais accès à la plus grande collection de contenu télé premium du Canada en un seul endroit, mettant en vedette, entre autres, les catalogues des meilleures séries télé de HBO et Showtime et des séries exclusives jamais vues au Canada. Crave TV, là, ça commence à sonner comme une pub, mais c'est un service canadien de vidéo sur demande détenu par Bell Canada. Le service est vu comme étant un concurrent canadien de Netflix et de Showme, de Shaw, disposant de 10 000 heures de programmation télévisée. Contrairement à ses concurrents, elle n'offre aucun film. Le contenu est accessible directement depuis un poste de télévision via un catalogue de programmes ou via le site web et l'application mobile Crave TV. On va aux États-Unis maintenant, où l'épisode final de Bones a été écourté par Donald Trump. Ce titre... un petit peu, sensationnaliste et un petit peu pas nécessairement exact. Donc, pour de nombreux téléspectateurs américains, le dernier épisode de la 11e saison de Bones, diffusé à Fox, a laissé un goût amer, et c'est pas en raison de la conclusion de son intrigue. C'est plutôt à Donald Trump et au réseau américain qu'ils doivent l'amputation des deux tiers de leur rendez-vous hebdomadaire, selon Deadline.com. Pour son discours d'acceptation du candidat officiel du Parti républicain à la course présidentielle américaine, Donald Trump et son équipe ont eu droit à une visibilité en direct de 76 minutes sur la chaîne Fox, si bien que 40 minutes de l'épisode final de la populaire comédie dramatique criminelle mettant en vedette David Boreanaz et Emily Deschanel ont été passés au tord d'heure. Tout comme les adeptes de la série sur la côte ouest américaine et ceux habitant sur les bords du Pacifique, et l'actrice qui défend le rôle de Temperance Brennan a fait part de son mécontentement et de son incompréhension sur Twitter. Je cite « Comment quelqu'un pourrait-il comprendre ce qui se passe quand un épisode s'amorce en plein milieu de l'intrigue? Personne n'avait prévu que Trump parlerait si longtemps. » En fait, non, justement. C'est que le discours de Trump était supposé durer quelque chose comme une heure, et ça a duré pas mal plus longtemps que ça, parce qu'il parlait très très très lentement. Ceux qui l'ont regardé, là, il soulignait vraiment chaque mot. C'était assez ardu à suivre comme discours. Bref, à peine 3 minutes plus tard, la principale intéressée en a rajouté en parlant d'un échec, publiant sur son compte qu'il aurait été préférable d'avoir simplement oublié la convention et diffusé Bones. Non, justement, Bones est une série qu'on peut diffuser à n'importe quel autre moment, alors que la convention républicaine, c'est un événement qui a lieu en direct là. Moi, je trouve que la meilleure solution est ce que Fox a dû faire, là, je me suis pas renseigné, mais rediffuser la finale un autre soir. Vous pouvez la regarder sur Internet, sur le site de Fox, vous pouvez la télécharger illégalement. Hein, alors que la convention, oui, je sais qu'on peut la regarder elle aussi plus tard, mais c'est dans le moment présent qu'il faut la regarder. Heureusement, les téléspectateurs retrouveront leurs deux héros plus tard cette année. La série policière prendra toutefois fin en 2017 après la diffusion du 12e épisode de la 12e saison. qui devrait être offert en 2017. En février, les dirigeants de la Fox ont décidé de mettre fin à Bones, une longue histoire étalée sur 244 épisodes. On y va dans le people un petit peu. Rihanna qui va jouer dans Bates Motel. Les producteurs de la série télévisée américaine Bates Motel ont annoncé lors du Comic-Con de San Diego qu'ils avaient engagé la chanteuse et actrice Rihanna pour sa dernière saison. La star jouera le rôle de Marion Crane, personnage incarné par Janet Leigh dans Psycho, Psychose, le célèbre film d'Alfred Hitchcock, ont annoncé les responsables de la série. Au Comic-Con, bien sûr, qui est le festival californien consacré à la science-fiction, aux jeux vidéo et à la bande dessinée. Les événements racontés par la série sont censés se dérouler avant ceux imaginés par Hitchcock dans son film de 1960, où le propriétaire du motel Norman Bates, joué par Anthony Perkins, assassinait Marion Crane sous la douche dans une des scènes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Évidemment, ça rappelle un petit peu le casting de Lady Gaga dans American Horror Story. Voilà. Maintenant, The Rock prépare la série Muscle Beach. L'acteur de film d'action Dwayne The Rock Johnson prépare actuellement la série Muscle Beach pour USA Network avec Bo Flynn, le producteur du film Alerte à Malibu, dans lequel l'ancien lutteur a le rôle principal. La trame de cette nouvelle série se base sur une légendaire salle de gym de Venice Beach en Californie dans les années 80 où des gens de tous horizons se retrouvaient pour se réinventer, s'améliorer dans l'Amérique de l'excellence prônée par Ronald Reagan et ce à n'importe quel prix. La série va explorer l'obsession fitness autour du corps durant cette décennie et les tentations vivaces à Los Angeles attirant le côté obscur des personnages. Les équipes de production et d'écriture sont les mêmes que celles de Alpha Squad 7, une comédie de science-fiction avec Dwayne Johnson, produite par DreamWorks et qui sortira cette année. Muscle Beach est le second projet télé sur ce même sujet annoncé cette semaine après Pump pour CBS avec Arnold Schwarzenegger à propos de la salle de bodybuilding de sa jeunesse à Venice Beach. Des séries similaires comme ça arrive une fois de temps en temps. Maintenant, Divergent, la conclusion va être à la télévision. La conclusion de la série Divergent se fera au petit écran et non dans les cinémas, a révélé le magazine spécialisé Variety. Le dernier tome de la trilogie écrite par Veronica Roth a été divisé en deux longs métrages, comme c'est maintenant une habitude, et Allegiant a connu un échec. Divergent, c'est le nom en français, hein. Et Allegiant, non. Oh boy, je suis pas trop sûr. Bref, Allegiant, Allegiant, a connu un échec aussi retentissant que mérité, nous dit la presse, via la plume de Sonia Sarfati. Il y a des limites à étirer la sauce, dit-elle, et souhaitons que les studios en prennent bonne note. Ascendant, qui devait sortir en juin 2017, sera donc relégué à la télé. On ignore toutefois si la distribution originale composée de Charlene Woodley et de Theo James sera la distribution de cette nouvelle joute, qui ne sera pas le point final de la saga, disons. Lionsgate aurait l'intention de développer une série ancrée dans ce monde post-apocalyptique. South Park ne fera pas d'épisode sur Pokémon. La série animée de South Park ne rate pas une occasion de ridiculiser une situation qu'il mérite. On les a maintes fois vus écorcher des stars extravagantes. Toutefois, les créateurs de South Park n'ont pas l'intention de se pencher sur la chasse aux Pokémon. Je cite, « Les gens nous parlent sans arrêt de cette chose des Pokémon Go et nous demandent si nous allons faire quelque chose à ce sujet. Je réponds toujours, nous l'avons fait en 1999 », a expliqué Trey Parker lors d'une séance de discussion publique durant le Comic-Con de San Diego. South Park a parlé des Pokémon au cours de la troisième saison dans un épisode nommé Chin Pokémon. Les quatre enfants vedettes de la série étaient devenus dépendants au phénomène des Pokémon. Ils étaient aussi exposés à des messages subliminaux insérés dans la série Chin Pokémon, les poussant à acheter des items, articles, et à devenir des guerriers à la solde des créateurs de la série. Donc la 20e saison de South Park qui débutera le 14 septembre prochain sur Comedy Central. On va à l'international maintenant. Une télé-réalité impliquant une nudité explicite fait scandale en Angleterre. Dans Naked Attraction, dont le premier épisode a été diffusé récemment, les participants doivent trouver l'amour en jugeant les parties génitales des prétendants. C'est pas la même chose que Dating Naked qui va être adapté à Musique Plus. J'en parlais en ouverture d'émission. C'est donc une autre série qui peut-être, elle aussi, va être adaptée. Donc le principe de l'émission est simple. Un candidat célibataire doit choisir un homme ou une femme avec qui il aimerait avoir un rendez-vous galant en se fiant uniquement sur l'allure de ses parties intimes. Le participant doit éliminer les postulants les uns après les autres en expliquant pourquoi leurs organes génitaux ne sont pas suffisamment attirants pour lui. Oh, oh wow. L'émission présente beaucoup de gros plans sur les parties intimes des concurrents, ce qui a suscité énormément de grogne de la part des téléspectateurs. Une vingtaine de plaintes formelles ont été déposées et Twitter a été en veille de critiques acerbes de la part des téléspectateurs. Allez voir les critiques sur assemblagerequis.com. Channel 4, qui est la chaîne qui diffuse l'émission, s'est vanté d'avoir rejoint 1,4 million de personnes. Le réseau n'a par contre pas pu s'extasier de l'opinion des critiques puisque la plupart ont descendu le concept en flammes, le qualifiant notamment d'un signe de l'apocalypse prochaine. Évidemment, les critiques changent pas grand-chose dans le succès d'une émission de télé. Vous pouvez voir la petite bande-annonce de l'émission sur assemblagerequis.com et comme je l'ai dit en début d'émission, on rappelle que la version québécoise célibataire et nue de Dating Naked, c'est pas la même chose, implique aussi une nudité, mais floutée, brouillée. Ça s'en vient cet automne à la musique. On va sur Internet maintenant, on n'avait pas grand-chose à l'international. American Crime Story va être diffusé partout en 2017 sur Netflix. Vous avez peut-être vu passer l'article, mais ce sera pas au Canada. Il y a beaucoup de médias qui ont oublié le petit fait que ça ne jouera pas au Canada sur Netflix. Le service américain de vidéo en ligne Netflix a annoncé avoir signé avec 20th Century Fox un accord pour la distribution mondiale de l'émission American Crime Story qui a récolté une vingtaine de nominations pour les prochains Emmys. La première saison de cette émission s'appelle The People vs. O.J. Simpson, deux petits points American Crime Story. Ça a été diffusé aux États-Unis sur la chaîne FX et ça va être disponible sur Netflix en 2017 dans le monde entier, sauf le Canada. Les saisons suivantes aboutiront également en temps voulu sur Netflix, qui est présent dans 190 pays. Les 10 épisodes de cette mini-série consacrée au procès pour meurtre du joueur de football américain et acteur a connu un gros succès aux États-Unis avec 7,5 millions de spectateurs en moyenne et a décroché 22 nominations pour les Emmys, récompense de la télévision américaine, décernée le 18 septembre prochain à Los Angeles. Et il y a une seconde saison qui va être consacrée à l'après-ouragan Katrina, qui a fait environ 1 800 morts en 2005. Ça va être diffusé l'an prochain sur FX. Les droits canadiens doivent appartenir à quelqu'un d'autre. L'article ne mentionne pas, j'aurais espéré. J'imagine peut-être à Bell, peut-être sur Crave TV, j'en ai aucune idée. Justement, parlant de Netflix, le revival, le retour de l'émission à succès, Mystery Science Theater 3000, s'en vient sur Netflix. En novembre, les amateurs de cinéma ont eu une très bonne nouvelle. On en a parlé ici, que Mystery Science Theater 3000 allait être de retour. C'est le créateur Joel Hodgson qui l'a annoncé sur une campagne Kickstarter. On a réussi à ramasser près de 6 millions de dollars pour filmer 14 nouveaux épisodes. On a eu d'autres annonces plus tard, dont le retour de Mary Jo Peel, Bill Corbett et Kevin Murphy, qui jouent dans la série d'origine. Le casting de nouveaux personnages par Patton Oswalt, Felicia Day et Jonah Ray comme personnage principal. On a aussi une réunion récemment qui a ramené les joueurs précédents, passés, présents et futurs de la série. Pour ceux qui ne connaissent pas la série Mystery Science Theater 3000, c'est des films de série Z, souvent vraiment vieux et pas apprécié par personne. Donc, ils vont les regarder sur un grand écran, les personnages de la série. Ils sont en noir devant l'écran. Vous avez sûrement vu des parodies de ça. Donc, on voit comme une salle de cinéma, les sièges, le contour des sièges en noir, complètement noir. Et les personnages sont aussi en noir. Et ils vont commenter par-dessus l'audio du film. Ils vont faire les mouvements. On va les voir commenter. Et entre les bouts de film que le personnage principal est forcé à regarder par des méchants dans la série, il y a des petits bouts de sketch qui sont diffusés. Donc, l'émission est vraiment super bonne. Il y a eu plusieurs saisons sur Sci-Fi Network aux États-Unis et sur une autre chaîne dont je me rappelle pas laquelle. En tout cas, bref. Tout ça pour dire qu'à Comic-Con récemment, on a révélé plusieurs autres détails. Entre autres que Joel McHale de la série Community et Dan Harmon, le créateur de Community, allait écrire pour le nouveau Mystery Science Theater. Et aussi, on a appris la nouvelle maison de la série, c'est sur Netflix. Parce qu'au début, il avait annoncé une campagne Kickstarter, ils ont ramassé de l'argent. Et là, les fans sont fâchés parce qu'ils ont vendu le projet à quelque chose de gros comme Netflix. Les fans qui avaient mis leur argent là-dessus pensaient que ça allait être une série indépendante. Mais en même temps, Netflix, c'est ce qui est plus indépendant en ce moment. Donc, bref. On sait pas encore quand ça s'en vient. Habituellement, Netflix, quand on annonce quelque chose, c'est que ça s'en vient très bientôt. Donc, on espère. Et comme le dit le slogan de l'émission, « In the not too distant future », donc dans un futur pas si lointain, on devrait avoir des nouvelles. J'adore Mystery Science Theater .3000 de tout mon cœur. Justement, restons sur Netflix qui lance FlixTape pour créer et partager vos propres listes de lecture. Netflix a dévoilé un outil permettant de compiler les contenus de son catalogue à la manière d'un mixtape ou d'un Spotify pour être partagé à nos proches. Avec son action qui a dégringolé de 15% après la fermeture des marchés récemment suite à des résultats trimestriels décevants, Netflix se devait de trouver une façon de redynamiser son bassin d'utilisateurs à défaut de pouvoir leur offrir tout le contenu auquel ils souhaiteraient accéder, surtout au Canada. La course aux droits de distribution est devenue très compétitive et les entreprises issues de la télévision traditionnelle sont prêtes à allonger tout l'argent nécessaire pour résister à l'envahisseur, nous dit branchez-vous.com. Voilà sans doute pourquoi Netflix a décidé de proposer un outil permettant à ses utilisateurs de compiler leur propre liste de diffusion. Pour l'instant seulement offert en anglais, FlixTape est conçu pour construire des listes de lecture liées à un thème, à une atmosphère ou à un message particulier. En choisissant de construire votre propre liste, on vous invite d'abord à nommer celle-ci. Et selon le titre choisi ou vos habitudes de consommation, Netflix alimentera votre liste de 3 films ou téléséries que vous pourriez conserver ou retirer. Vient ensuite le moment de partir à la recherche de contenu jusqu'à ce que la limite de 6 soit atteinte, c'est vraiment pas beaucoup. Une fois cette tâche complétée, vous avez l'option de regarder la liste en question, de la partager sur Facebook, Twitter ou simplement par adresse URL. FlixTape est loin d'être un outil parfait, nous dit branchez-vous. D'abord, tel que mentionné, les listes sont limitées à 6 éléments. L'outil paraît ainsi plus approprié pour les cinéphiles qui souhaitent partager une collection de longs métrages. Vous pouvez évidemment y ajouter des téléséries, mais impossible de sélectionner un épisode en particulier. Si la personne qui consulte votre Flixtape avait déjà commencé le visionnement d'une émission, il continuera à l'endroit où il se trouvait la dernière fois. Ce qui peut fonctionner pour certaines séries, mais moins d'autres. Flixtape n'est intégré à aucune application Netflix, ni même à son portail web. L'URL générée après avoir complété votre liste est essentiellement une liste pointant vers les divers contenus sur Netflix. L'internaute devra manuellement revenir sur celle-ci pour poursuivre le cheminement que vous lui avez proposé. Cette contrainte est plus importante sur un appareil mobile, étant donné que la personne se retrouvera basculée vers l'application. Au final, on se retrouve devant une bonne idée dont l'exécution laisse à désirer, donc débranchez-vous, à moins que l'entreprise ait l'intention de pleinement intégrer cette fonction sur l'ensemble des déclinaisons de son service, voire permettre la construction d'une Flixtape ailleurs que sur son navigateur web. Cette fonction risque de rencontrer un succès très mitigé. Je partage l'avis de brancher. Allons-y avec... qu'est-ce que je vais choisir de vous... Ouais, on peut en parler en bref. Je sais que vous avez certainement entendu parler de ça et j'essaie de moins faire de nouvelles possibles que vous avez déjà entendues, mais c'est quand même assez important pour qu'on en parle. L'arrêt de la production de magnétoscopes. Le groupe japonais Funai Electric cessera de fabriquer ses appareils d'ici la fin du mois de juillet. Donc, le dernier fabricant de magnétoscopes dans le monde, invention qui a révolutionné l'usage de la télévision des années 70 avant de devenir culte, puis de lentement tomber dans les oubliettes, tire sa révérence. Le groupe japonais Funai Electric, seul sur ce créneau après le retrait de Panasonic en 2012, a annoncé l'arrêt d'ici la fin du mois de juillet de la production de ses appareils. S'ils sont disparus de la plupart des foyers, Funai en a étonnamment vendu encore 750 000 l'an dernier, notamment aux États-Unis. Rien cependant comparativement aux 15 millions d'unités écoulées au début des années 2000. Je peux comprendre pourquoi on en achète. Même moi, j'ai des centaines de cassettes encore à numériser. Et si j'avais l'envie, en fait, peut-être que je penserais d'acheter un magnétoscope neuf pour faire la conversion le mieux possible avec la meilleure qualité possible. J'avoue que ça m'intéresserait pas mal. Bien qu'aucun communiqué officiel n'ait été publié, la compagnie a été assaillie d'appels depuis que l'information a filtré dans les médias locaux. Parmi eux, un bibliothécaire gardant dans ses rayons des cassettes vidéo et des gens désireux de visionner de vieux souvenirs, même s'il est possible de les numériser pour pouvoir les lire sur son ordinateur. Un phénomène donc qui n'a cessé de s'amplifier avec l'avènement de la vidéo sur demande. Difficile aujourd'hui de réunir la famille autour d'un même écran, blablabla. L'article est beaucoup plus long que ça, allez voir sur assemblagerequis.com. Je voulais vraiment pas aller dans les profondeurs de ce sujet. On y va avec Samsung et une nouvelle télé, en fait, une nouvelle télé assez particulière. Ça n'a pas l'air d'une télé, en fait. Vous allez voir. C'est la plus récente télé de Samsung qui est faite pour tenir debout sans aucun autre achat nécessaire, selon Wired. Ça s'appelle la Serif. C'est une compagnie à une télé à 1500$, une télé de 40 pouces qui survient sur le marché américain au mois d'août. Ce design d'un duo français-parisien, Ronan et Erwan Bouroulec. C'est une télé 4K qu'on peut mettre sur un stand et qui vient aussi avec ses propres pattes. Donc, vu sur le côté, c'est fait pour avoir l'air d'un I majuscule. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Serif. Comme un I avec les petites pattes qui dépassent. Le Serif, c'est les petites pattes sur les lettres. Comme dans du Times New Roman. C'est un rappel, si on veut, de la notion que la télé était un meuble dans le temps. On se rappelle les télés avec des tablettes, puis les télés qui avaient des grosses boîtes, là, vraiment massives en bois. Là. Bref, ça nous ramène au début de la technologie de la télé. Vous pouvez aller voir les photos sur assemblagerequis.com. Vu qu'aujourd'hui, personne ne met ses écrans plats sur le plancher, aussi bien avoir une télé qui vient avec des pattes. C'est quand même joli, je trouve. Ensuite, on a la 3D au cinéma sans lunettes qui pourrait être bientôt disponible. Avec un écran équipé, évidemment, on n'a pas de chronique de cinéma, c'est pour ça que j'en parle ici. Avec un écran équipé de lentilles et de miroirs, le système expérimental Cinéma 3D, à l'étude au MIT, présente à chaque spectateur de la salle une image en relief, évitant le port de lunettes spéciales. Ingénieux mais complexe, le procédé doit encore faire ses preuves en format grandeur nature pour envahir nos salles obscures. La 3D sans lunettes ou auto-stéréoscopie a fait une apparition plutôt timide sur certains téléviseurs haut de gamme, comme le modèle de Sharp présenté au CES 2014, et des consoles de jeux portables comme la Nintendo 3DS, mais elle n'est pas entrée dans les salles obscures. Pour le moment, il faut encore se munir de lunettes spéciales dont le port pour une durée prolongée est plus ou moins confortable. Une équipe de chercheurs du CSEL, le Computer Science and Artificial Intelligence Lab au MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, et de l'Institut Weizmann en Israël, travaille sur une solution technique qui pourrait en théorie permettre de regarder un film en 3D au cinéma en se passant de lunettes. Dans un article qui va être publié lors de la conférence SIGGRAPH, les chercheurs détaillent cette technologie baptisée Cinéma 3D. Elle repose en fait sur un procédé inventé au 19e siècle qui est la barrière de parallaxe. Il permet d'afficher une image en relief, donc stéréoscopique, au moyen d'un réseau de micro-lentilles qui distribue à chaque œil une image prise sous un angle légèrement différent. le cerveau du spectateur se chargeant donc de reconstituer l'image 3D. Mais pour que la barrière de parallaxe puisse fonctionner, il faut que les utilisateurs se situent à une certaine distance, un paramètre compliqué à gérer dans une salle de cinéma où les spectateurs sont plus ou moins proches et regardent l'écran sous des angles différents. L'idée qui sous-tend la technologie cinéma 3D est que les spectateurs dans un cinéma ne bougent que faiblement leur tête selon une largeur angulaire conditionnée par la profondeur de leur siège. L'idée est donc de diffuser les images selon de fins pinceaux et de reproduire l'effet stéréoscopique pour chaque siège dans la salle. Cinéma 3D encode différentes barrières de parallaxe pour qu'elles s'adaptent à chaque spectateur. Un jeu de miroirs et de lentilles placé à la surface de l'écran décline cette configuration personnalisée pour chaque siège. Contrairement aux autres systèmes d'auto-stéréoscopie existants, cette technique a par ailleurs l'avantage de ne pas nécessiter une définition d'écran très élevée pour préserver la qualité d'image. Techniquement astucieux, le concept se heurte toutefois à une mise en pratique assez complexe. L'équipe du CCL explique en effet que son prototype d'écran, qui n'est pas plus grand qu'un bloc de papier, nécessite déjà une cinquantaine de miroirs et de lentilles pour fonctionner. Mettre le dispositif à l'échelle d'une salle de cinéma n'est donc pas encore envisageable. Cependant, les spécialistes du MIT évoquent la possibilité que le dispositif soit utilisé sur des panneaux publicitaires ou sur des écrans dans les vitrines de magasins. Ils comptent fabriquer un prototype de plus grande dimension tout en améliorant la résolution de l'image. Je cite, reste à voir si l'approche est financièrement assez faisable pour être adaptée à un cinéma. Et comme on ne parle plus vraiment de télévision depuis quelques minutes parce qu'on est dans le segment médiatique Television, annoncé que la fin du magazine Safarir. Le magazine Safarir a annoncé qu'il cessait toutes ses activités, affirmant que la rentabilité de la publication n'était plus possible. Fondé en 87, le magazine Safarir s'est démarqué au Québec par ses illustrations, bandes dessinées humoristiques et parodies. Le contexte de plus en plus difficile pour les médias imprimés fait donc une nouvelle victime. L'équipe du magazine humoristique a indiqué sur Facebook que la grande aventure prenait fin, évoquant la faillite de leur distributeur l'an dernier, ainsi que de grands coups d'impression. Safarir n'ayant presque jamais eu de revenus publicitaires, la perte de points de vente comme Archambault, Renaud-Bray et Couche-Tard explique beaucoup plus les problèmes du magazine d'humour. Je cite, Safarir a toujours été davantage un magazine d'achat impulsif en fonction de la une. Ces dernières années, dans des salons du livre, on se faisait dire « vous existez encore ». On ne nous voyait plus en kiosque, a fait valoir le directeur artistique du magazine. Au magazine, dans les années 90, c'est copropriétaire avec le rédacteur en chef Michel Bouchard depuis quelques années. Il était donc directeur artistique au magazine dans les années 90. Il n'a pas dit cette phrase-là dans les années 90, on comprend. Outre messieurs Martin et Bouchard, la publication faisait affaire avec une bonne dizaine de pigistes. Je cite, l'entreprise est techniquement en faillite, on n'a pas assez de sous pour rembourser tout le monde. L'équipe a affirmé sur Facebook que d'autres options que la cessation des activités avaient été envisagées et sérieusement étudiées, mais sans déboucher sur des solutions adéquates et concrètes. On dit avoir travaillé d'arrache-pied au cours des deux dernières années afin de permettre à Safarir de s'épanouir, de grandir et de se renouveler. En entrevue, M. Martin a fait valoir la difficulté de se débarquer sur Internet. D'ailleurs, allez voir leur site web, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Là. C'est une par-dessus une, il n'y a quasiment pas d'article. Il n'y a même pas d'article sur la fin du magazine sur leur site web en ce moment. Ça fait un petit peu pitié. Je cite, le numérique n'est pas rentable encore. Il y a beaucoup de sites gratuits d'humour. La rentabilité, c'est de mettre énormément de sous dans le développement web. On a déjà mis pas mal d'argent déjà dans le magazine. Le copropriétaire et ancien directeur artistique a indiqué que Safarir n'était plus rentable depuis 2 ans. Je cite, on a toffé, on a enduré, on a essayé plein de choses pour brasser la sauce et vendre un peu plus de copies. On n'était pas loin de la rentabilité. C'est juste ça qui est plate. Voilà. On dit avoir exploré des alliances avec d'autres éditeurs ou avec des émissions de télé ou de radio ou encore des jeux vidéo. Après la faillite de Benjamin, Messagerie Dynamique a fait un bon travail, a aidé le mieux possible dans les circonstances, disent-ils, mais tous les magazines sont en baisse, on n'a pas trouvé la solution magique. Encore, il y a des cas particuliers comme Ricardo, Marie-Lou avec 3 fois par jour, Véro, qui ont du succès, mais c'est des énormes noms. L'équipe du magazine a tenu à remercier sur Facebook tous les collaborateurs qui ont mis toute leur créativité et humour dans les 299 numéros qui ont été publiés, le dernier remontant à l'automne 2015. Moi, ça me fait mal à mon toc de voir 299 numéros. Je cite encore, qui plus est, contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, le magazine Safarir n'avait pas droit à quelconque subvention que ce soit. Aussi, la récente campagne de sociofinancement que nous avons mise en place n'a pas apporté les effets escomptés. Pour l'instant, après 299 numéros, il ne reste que la marque bien connue qui a été enregistrée. Des magazines qui ont fait 299 numéros, il n'y en a pas beaucoup. Ils disent on aurait aimé se rendre à 300. Quels étaient les signes distinctifs de Safarir? Citation ici, le fait de se coller à l'actualité, d'avoir une saveur québécoise. On essayait de prévoir ce qui allait être au goût du jour. On a été un bassin de talents. C'est très difficile de faire un magazine d'humour avec de la BD et d'avoir réussi pendant 29 ans, c'est quand même pas mal. Un autre chiffre pas rond, hein, 29 ans. C'est triste. J'ai pas été voir s'il y avait encore d'autres fluides glaciales et des trucs comme ça. Je sais qu'il y avait Mad Québec à un moment donné qui avait aussi eu son propre flop. Fluidglacial.com On va aller voir si ça fonctionne encore, voir. Juste pour le plaisir, ça m'intrigue. Ça fait depuis que j'ai 12 ans que j'ai pas lu de magazine d'humour. Donc, d'après moi, sûrement pas. Voilà, c'est tout pour Television. Oh, bah attention! Fluide glacial. Dernière nouvelle datant du 18 juillet. Ça existe encore! Numéro du 7 juillet 2016. Ben, Colin, j'aurais jamais pensé. Voilà, c'est tout pour Television et son accompagnateur Media, Magazine et autres. On retourne en Jeep Tool, on s'en va entendre une pièce de Venom, un autre habitué d'émission, on l'aime beaucoup. Voici une courte pièce qui s'appelle Experimenting Again. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou! Restez là, plus tard, c'est Merci Science! Par Mebree, j'ai bien aimé celle-là, je la trouve différente des autres, ça fait changement quand même. Et avant la pause, on a entendu Experimenting Again par Venom, mon Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est Merci Science! Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister, et on commence en santé un petit peu avec la découverte d'un anticorps efficace contre la sclérose en plaques. Des chercheurs de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ont testé chez la souris une molécule qui protège le cerveau et la moelle épinière contre les attaques auto-immunitaires provoquant la sclérose en plaques, première cause de maladie neurologique chez le jeune adulte. Il reste maintenant à mener de longues et coûteuses campagnes d'essais pour valider le traitement. Considérée comme une maladie auto-immune, la sclérose en plaques, qu'on appelle aussi SEP, est due à la destruction de la gaine de myéline qui entoure et protège les fibres nerveuses, les axones des neurones, par les cellules du système immunitaire, donc les lymphocytes. Répandue environ une personne sur 1000 avec une proportion plus forte chez les femmes, la maladie est très invalidante. Évoluant par poussée, elle conduit à des paralysies ou des troubles cognitifs ou sensoriels. Il n'existe pas de traitement si ce n'est pour en réduire les effets. Une équipe de l'INSERM vient donc d'annoncer une découverte porteuse d'espoir dans un article publié dans la revue Brain. Un anticorps baptisé Glunomab est capable chez la souris d'empêcher la destruction de cette gaine de myéline. La méthode consiste à étanchéifier la barrière qui protège le système nerveux central, donc cerveau et moelle épinière, interdisant notamment aux cellules immunitaires qui circulent dans le sang d'y pénétrer. Il y a en fait deux barrières, l'une entourant le cerveau qui est la barrière hémato-encéphalique et l'autre la moelle épinière qui est la barrière hémato-médulaire. L'équipe du professeur Denis Vivien a exploité des travaux antérieurs qui montraient le rôle de certains récepteurs, qui est le NMDA pour N-méthyl-D-aspartate, présent sur les cellules de ces barrières. Activé par une protéine, le TPA, il provoque l'ouverture de pores qui peuvent aussi laisser rentrer, laisser entrer des cellules sanguines. L'anticorps Glunomab vient empêcher cette activation en entravant l'interaction entre TPA et le récepteur NMDA. Le cerveau et la moelle épinière sont ainsi protégés des cellules du système immunitaire. Chez la souris, l'injection du Glunomab réduit la pénétration des lymphocytes dans le système nerveux central et la démyélination. Voyons donc. J'ai eu toutes les autres mots qui étaient plus difficiles que ça. Démyélinisation est réduite. Les chercheurs... Il y a une syllabe de trop dans cela. Les chercheurs constatent que la progression des troubles moteurs est bloquée, comme l'explique le communiqué de presse de l'INSERM. Transformer l'action de cet anticorps pour lequel un brevet a été déposé en un traitement thérapeutique reste cependant un long chemin. Il faudrait une série d'essais cliniques pour vérifier l'efficacité et mesurer les effets secondaires de ce blocage des pores des deux barrières protectrices, ainsi que ceux de l'action sur le récepteur NMDA, déjà connu pour d'autres effets, notamment les échanges d'ions. Le vélo est mieux que la marche pour mincir. Une nouvelle étude menée sur 150 000 participants confirme que faire du vélo reste l'un des exercices les plus efficaces pour maintenir ou perdre du poids. C'est un moyen de transport dit actif pratiqué par 23 % des hommes et 24 % des femmes. Des chercheurs britanniques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'école de l'hygiène et de la médecine tropicale. C'est sûr que c'est pas Tropical Medicine? Je vais aller voir. Je suis curieux. Tropical Medicine, je veux savoir ce que c'est. Tropical Medicine? Ben oui! Je sais pas ce que c'est, on va voir. Tropical Medicine Wiki, voir. Ça m'intéresse trop. Médecine tropicale, ben oui. Colin, je me sens ignorant. La médecine tropicale, comme son nom l'indique, est une branche de la médecine consacrée aux affections typiques des zones tropicales. Elle concerne ces zones elles-mêmes, mais aussi, et de plus en plus, le monde entier en raison de la mondialisation et l'accélération des transports de biens et personnes qui contribuent à diffuser sur toute la planète des pathogènes et leurs vecteurs, plusieurs maladies émergentes, étant on a tout ce type de prendre un caractère pandémique durable comme... Hey, c'est ça, là, ce que je viens de lire est une seule phrase. Un caractère pandémique durable comme le sida ou le VIH, wow, ou peut-être la grippe aviaire. Ça vous tente pas de mettre des virgules, des points virgules, quelque chose de genre? On va revenir à l'article. Je me suis emporté. Des chercheurs britanniques de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, oui, ça existe, ont évalué la relation entre le moyen de transport et le risque d'obésité chez 72 999 hommes et 83 667 femmes âgées de 40 à 60 ans. Cette comparaison des différents modes de déplacement confirme que faire du vélo reste l'un des exercices les plus efficaces pour garder la ligne et même pour perdre du poids. Une base de données mise en place dans l'objectif d'améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies chroniques a permis d'établir ce constat. D'après l'étude qui vient de paraître dans The Lancet, le moyen de transport le plus courant reste la voiture ou les transports en commun. 64 % des hommes, 61 % des femmes interrogées les utilisent. Les transports dits actifs, comme la marche, le vélo, j'imagine le scooter à pied, concernent 23 % des hommes et 24 % des femmes. Globalement, tous ceux qui n'utilisent pas la voiture ou les transports en commun pour aller travailler ont un taux de graisse corporelle réduit. Parmi les plus sportifs, ceux qui se rendent au bureau hors vélo, par exemple, présentent un IMC plus faible que leurs collègues qui marchent. Tu vois, moi, je marche une heure par jour, puis non, j'arrive pas à perdre du poids, mais en même temps, je mange vraiment mal. En effet, les participants qui se déplacent en vélo sont ceux qui ont l'IMC le plus faible. Concrètement, pour un homme d'âge et de poids moyen chez l'adulte, dans l'étude, 53 ans, 1m76, 86 kg, cette conclusion équivaut à une différence de poids substantielle de 5 kg avec un homme qui utilise la voiture ou les transports en commun. Selon les résultats, les cyclistes masculins présentent un IMC diminué de 1,71 kg par mètre carré et les cyclistes féminins un IMC diminué de 1,65 kg par mètre carré comparé à ceux qui n'utilisent que les transports passifs. La mesure du taux de graisse corporelle révèle les mêmes conclusions et est également plus faible pour les cyclistes, soit réduit de 2,75% pour les hommes et de 3,26% pour les femmes. Dans une moindre mesure, les autres modes actifs de déplacement comme la marche permettent aussi de réduire de manière significative l'IMC et le taux de masse grasse. En conclusion, les chercheurs rappellent l'importance d'exploiter chaque occasion de pratiquer un peu d'exercice quotidiennement, de surcroît dans un mode de vie sédentaire. Absolument, il n'y a rien à dire contre ça. On parle maintenant d'éoliennes, des pales furtives pour le plus puissant parc éolien français. Un nouveau parc éolien dans les Pyrénées-Orientales devient le plus puissant de France avec ses 35 turbines totalisant 96 MW. Pour éviter de perturber un radar de Météo France, les pales sont furtives, ce qui est une première mondiale. Dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan, EDF vient de mettre en route le plus puissant des parcs éoliens français. Les 35 turbines de l'ensemble éolien catalan, réparties sur 4 communes, atteignent une puissance totale de 96 MW. Elles doivent fournir 240 gigawatts-heure. J'imagine que 96 MW, c'est des mégawatts, je m'excuse. Elles doivent fournir 240 gigawatts par année, soit les besoins en énergie d'une ville de 120 000 habitants. Le projet à 130 millions d'euros lancé il y a quelques années dépasse donc les 87 MW de salle courant dans l'Aveyron. Pour la première fois au monde, ces éoliennes ont des pales furtives à l'instar des avions de chasse. Le but est de réduire suffisamment leur signature radar pour qu'elles puissent être confondues avec un avion. Le problème est d'importance, en particulier en France où les zones de circulation aérienne réservées à l'entraînement des aéronefs militaires sont nombreuses. Du côté de Perpignan, c'est le radar de Météo France de poule en bande S et d'une portée de 200 km qui posait problème. Il risquait de voir des orages là où il n'y en avait pas. La furtivité radar de ces éoliennes pyrénéennes. Ah, j'imagine il manque le mot A été mise au point par le fabricant, le danois Vestas, et par une entreprise britannique Kinetic. Les technologies employées applicables aux pales, mais aussi aux pylônes, sont similaires à celles de l'aéronautique, avec des motifs gravés ou des matériaux déposés en surface. Le principe est d'absorber les ondes électromagnétiques de certaines fréquences ou de les diffuser dans de multiples directions. Le parc pyrénéen est le premier à en bénéficier, mais n'est sûrement pas le dernier. Il y aura encore des évolutions entre furtivité des éoliennes et amélioration des performances des radars. L'œil humain semble détecter un photon unique. À quel point l'œil humain est-il sensible à la lumière? Cette question, les chercheurs se la posent depuis très longtemps, et une équipe avance aujourd'hui que notre œil est capable de discerner un photon unique. Quelques études avaient déjà établi qu'un œil humain peut repérer des flashs de 5 à 7 photons. Il y a environ un an, une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois, sans pour autant publier les résultats, montait le record, oui, à seulement 3 photons. Aujourd'hui, une collaboration de la Rockefeller University aux États-Unis et du Research Institute of Molecular Pathology en Autriche va plus loin en démontrant que les êtres humains peuvent détecter la présence d'un photon unique. Des expériences menées sur des grenouilles avaient montré par le passé que les bâtonnets, qui est l'un des deux types de cellules réceptrices de la rétine, étaient activés en réponse à de simples photons. Cependant, notamment parce que la rétine traite les informations de sorte à réduire le bruit de fond, il n'avait pas pu être prouvé que ce signal était bien transmis jusqu'au cerveau. Et même si cela avait été le cas, cela n'aurait pas établi qu'une personne aurait pu le détecter consciemment. Je cite, « C'est presque incroyable! Imaginez un photon, la plus petite particule de lumière mesurable qui interagit avec un système biologique constitué de milliards de cellules, le tout dans un environnement chaud et humide. Pour atteindre les mêmes performances, n'importe quel détecteur artificiel doit être refroidi et isolé de bruit ambiant. Là, la réponse que le photon génère survit jusqu'au plus profond de notre conscience, malgré un bruit de fond omniprésent. Car le plus surprenant est qu'il ne s'agisse pas ici de voir la lumière au sens propre, il s'agit plus d'un sentiment à la limite de l'imagination. » Pour en avoir le cœur net, il en a fait lui-même l'expérience. Donc, pour arriver à leur conclusion, les chercheurs de la Rockefeller University ont mis en œuvre un système souvent utilisé en optique quantique dans lequel un photon de haute énergie à travers un cristal non linéaire génère 2 photons de couleurs complémentaires. Dans cette expérience, l'un d'entre eux a été envoyé vers des cobayes humains et l'autre vers un détecteur permettant aux chercheurs de valider ou non leurs observations. Les volontaires ont ensuite été placés dans le noir total pendant 40 minutes, puis les chercheurs leur ont demandé de se concentrer sur le système optique. Lorsqu'ils pressaient un bouton, ils entendaient deux sons séparés d'une seconde. Aléatoirement, l'un des sons s'accompagnait de l'émission d'un unique photon. Charge aux cobayes de rapporter lorsqu'ils pensaient avoir vu un photon et le niveau de confiance qu'ils accordaient à leur réponse sur une échelle de 1 à 3. Certes, ils se sont trompés dans bien des cas, un résultat à prévoir car 90% des photons émis, absorbés ou réfléchis par d'autres parties de l'œil n'avaient aucune chance d'atteindre les bâtonnets. Toutefois, les cobayes ont donné bien plus de bonnes réponses que cela n'aurait été, le cas s'ils avaient simplement répondu au hasard, et avec un degré de confiance lui aussi plus important. Après plusieurs milliers de tests, les chercheurs estiment donc disposer de preuves statistiquement solides de la capacité de détection par l'œil humain de photons uniques. Reste tout de même à valider ces résultats en testant plus de cobayes notamment, mais aussi en testant la façon dont l'œil répond aux stimulus de photons dans des états quantiques différents, et en particulier de ceux qui se trouvent dans une superposition d'états. Une nouvelle technologie réduit les dégâts de traumatisme crânien. Une procédure chirurgicale qui permet à 60% des victimes de traumatisme crânien de retrouver une vie normale ou de souffrir seulement de handicap modéré est utilisée à l'Hôpital Général de Vancouver. La technologie consiste à insérer deux électrodes dans le crâne des blessés. L'une mesure le taux d'oxygène dans le cerveau et l'autre estime la pression intracrânienne. Cette procédure en provenance du Royaume-Uni a été utilisée pour la première fois sur l'ancienne championne de ski de 22 ans, Jamie Crane Mousey, qui avait fait une chute lors d'une descente acrobatique le 11 avril 2015. L'intervention chirurgicale lui avait sauvé la vie et 36 autres personnes en ont profité depuis. Les médecins disent que cette nouvelle procédure permet à un plus grand nombre de patients de retrouver leur vie d'avant leur accident, mais que la guérison dépend aussi de leur santé mentale. En conférence de presse, Jamie Crane Mousey a indiqué qu'elle ne ressent aucun symptôme lié à son accident et qu'elle ne souffre d'aucune lésion cérébrale permanente. L'ancienne championne ne veut plus participer à des compétitions de ski, hein, je pense qu'on la comprend, mais elle aimerait bien poursuivre une carrière dans ce sport et partager le succès de son intervention chirurgicale pour donner de l'espoir aux gens. La loi du frottement maintenant. Léonard de Vinci avait bien 200 ans d'avance. Les nombreuses machines couvrant sous forme de dessin les carnets de Léonard de Vinci sont bien connues. On sait sans doute moins que l'homme avait découvert les lois du frottement qui s'y appliquent avec deux siècles d'avance. C'est ce que vient de confirmer et de préciser un chercheur britannique. Au cours de sa vie, Léonard de Vinci aurait laissé environ 13 000 pages dans des carnets où il notait des réflexions et dessinait des croquis touchant à l'ensemble des connaissances humaines. Pardonnez-moi, il pouvait s'agir de géologie, d'optique, d'anatomie, de botanique, de mathématiques, de mécanique, mais aussi de physique et d'astronomie. L'histoire n'a conservé qu'environ 6000 de ses pages. C'est comme les courriels d'Hillary Clinton, il en manque plein. Rassemblés dans des ouvrages qui ont longtemps fait partie de collections privées. C'est encore le cas aujourd'hui pour certains d'entre eux d'ailleurs. Et qu'on appelle des codex. Les plus célèbres sont sans doute les codex Arundel, Atlanticus et enfin Leicester. Ce dernier étant détenu par Bill Gates. Leicester. On peut citer ainsi aussi le codex Forrester, conservé au Victoria and Albert Museum de Londres, qui est en réalité constitué de trois carnets. Il vient de permettre à un professeur de l'université de Cambridge au Royaume-Uni, spécialisé dans les problèmes de tribologie rencontrés dans la production industrielle, de préciser quand a été faite l'une des grandes découvertes de Léonard de Vinci. Comme souvent dans les domaines scientifiques et technologiques, l'homme était en avance de plusieurs siècles sur ses contemporains. Rappelons que la tribologie est la science qui étudie les phénomènes susceptibles de se produire entre deux systèmes matériels en contact, immobiles ou animés de mouvements relatifs. Ce terme recouvre ainsi tous les domaines où le frottement, l'usure, la lubrification, interviennent. La tribologie La tribologie donc est ainsi à l'interface du génie mécanique et de la science des matériaux. Elle ne pouvait qu'intéresser Léonard tant il a produit d'études et de dessins inventant et examinant des machines avec des engrenages, des poulies ou des roulements à billes, tout en cherchant à rendre ces machines vraiment fonctionnelles et efficaces. Parmi les premiers penseurs à baser leur réflexion sur l'expérimentation et l'usage combiné des mathématiques, il est apparu que Léonard avait en fait découvert les deux premières lois du frottement, puisque deux siècles avant les travaux du français Guillaume Amonton, entre 1663 et 1705, en 1699. J'imagine que ça, c'était sa date de naissance et sa date de mort. On le sait depuis 1797 grâce au physicien italien Giovanni Battista Venturi, qui avait eu accès à certains des feuillets de Léonard. Cependant, on ne savait vraiment pas à quelle période de sa vie Léonard de Vinci avait ainsi fait cette découverte, certainement à partir de l'expérimentation. Ces deux lois sont en tout cas très simples. J'ai hâte de voir ça. La première énonce que la force de frottement est directement proportionnelle à la charge appliquée, la charge signifiant ainsi la force qui comprime l'une contre l'autre les deux surfaces. La seconde énonce que la force de frottement est indépendante de l'air de contact. Selon un article publié par le professeur Ian Hutchings dans le journal Wear, qui est un terme qui veut dire usure en anglais, Léonard aurait eu connaissance de ces lois au moins depuis 1493, oui. En effet, à côté du dessin d'une femme âgée accompagnée d'une pensée de Léonard sur la fragilité de la beauté liée au temps, se trouvait un texte négligé par les précédents commentateurs, ainsi que le schéma de l'expérience que les étudiants reproduisent aujourd'hui pour redécouvrir les lois du frottement. Il s'est avéré, selon Hutchings, que texte et schéma datés indiquaient bel et bien que Léonard connaissait ses lois à ce moment-là. En fait, l'étude des codex de Léonard montre maintenant clairement qu'il a étudié le sujet pendant 20 ans en incorporant ses lois et en évaluant leurs effets dans les machines qu'il concevait. Il avait notamment compris que bien que le frottement fût parfois essentiel pour assurer le fonctionnement de certaines de ses machines, il pouvait aussi en limiter l'efficacité. Quand même impressionnant qu'il ait travaillé 20 ans sur quelque chose alors qu'il a sûrement pas vécu bien longtemps. Là. On s'entend, Léonard de Vinci, à l'époque, on vivait pas bien longtemps. Allons voir sa date de naissance, sa mort, son âge à sa mort. Donc, il est mort à, attention, selon Wikipédia, hein, à 67 ans, voilà. Quand même, quand même. On en parlait en introduction d'émission, des jumelles de Dolly sont en pleine forme. Quatre copies génétiques de Dolly, qui est la célèbre brebis clonée morte prématurément en 2003 alors qu'elle était en mauvaise santé, vont fort bien à l'âge avancé de 9 ans, selon l'étude. Debbie, Denise, Diana et Daisy, sœurs identiques de Dolly, quoique nées 11 ans après elle, sont plutôt en bonne santé, d'après les chercheurs qui ont étudié les animaux clonés pour savoir s'ils peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Les quatre brebis sont ainsi issues des mêmes cellules de glandes mammaires que celles qui ont abouti à Dolly, le premier mammifère cloné à l'aide d'une technique appelée transfert nucléaire de cellules somatiques, le SCNT. Née il y a 20 ans, le 5 juillet 1996, Dolly a développé une arthrose invalidante du genou alors qu'elle avait 5 ans et est morte de la maladie pulmonaire à l'âge de 6 ans, soit environ la moitié de l'espérance de vie de sa race de moutons fine Dorset. La mauvaise santé de Dolly et sa mort précoce ont sonné l'alerte sur les risques pour la santé de ce clonage. Des souris clonées avaient également montré une propension à l'obésité, au diabète et à mourir jeune. Kevin Sinclair de l'Université britannique de Nottingham et ses collègues ont procédé à un examen médical approfondi des quatre Dolly nés en juillet 2007, ainsi que de 9 autres clones provenant de différentes cultures cellulaires. Les 13 animaux âgés de 7 à 9 ans sont donc tous des produits d'études de laboratoire cherchant à améliorer l'efficacité de la technique SCNT. Les experts ont mesuré chez ces moutons la tolérance au glucose, la sensibilité à l'insuline, la pression sanguine, l'état des muscles et des os, pour dresser, disent-ils, la première évaluation globale de la maladie liée à l'âge chez les clones animaux. Il y avait des cas d'arthrose légère et un cas d'une forme modérée, pas inhabituelle pour leur âge. Cette technique de clonage implique, on parle du SNCT, implique de prélever le noyau d'une cellule adulte, soit de peau ou de glande mammaire, etc., autre qu'un spermatozoïde ou un ovule, avec son ADN et de l'implanter dans un œuf non fécondé dont le noyau a été retiré. Une fois transféré dans un ovocyte, l'ADN est reprogrammé à l'aide d'une décharge électrique et commence à se diviser jusqu'à ce qu'il forme un embryon. En dépit d'améliorations récentes, la technique reste coûteuse pour obtenir seulement une poignée d'embryons survivants à la naissance. Je cite pour les clones qui survivent, cependant, le consensus naissant, soutenu par les données actuelles, est qu'ils sont en bonne santé et semblent vieillir normalement, selon l'étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications. Le clonage d'animaux est utilisé dans l'agriculture, principalement pour créer des reproducteurs, mais il est également employé dans un commerce lucratif offrant de remplacer l'animal de compagnie chéri décédé. Ça coûte super cher, mais quand même. C'est tellement... J'aime ça. C'est plate, mais j'aime ça. Hein? Le clonage. Les bienfaits de la méditation sont validés par la science. Des chercheurs américains viennent d'apporter une nouvelle preuve que la méditation diminue les symptômes des troubles anxieux et améliore l'attention, la mémoire, l'immunité, la gestion des émotions, les performances cognitives et scolaires, tout comme la créativité. Selon les chercheurs de la Texas Tech University Faculty aux États-Unis, un programme de méditation élaboré en Chine dans les années 90, l'IBMT, IBMT, donc Integrated Body and Mind Training, s'adresserait tout particulièrement à deux zones spécifiques du cerveau appelées cortex singulaire antérieur et cortex préfrontal moyen adjacent, impliqués d'une part dans l'attention et la mémoire et d'autre part dans la prise de décision, l'empathie et l'émotion. La technique appelée en français gymnastique intégrée du corps et de l'esprit, c'est quand même fancy tout ça, repose sur des exercices de relaxation, de respiration, des postures et des visualisations mentales. Ce protocole permet d'accéder progressivement et plus facilement à la méditation qui requiert le contrôle des pensées. À l'issue de 5 séances de 20 minutes animées par un instructeur, la plupart des méditants ont remarqué une diminution significative de leur niveau de stress au quotidien, d'anxiété, de dépression, de colère, de fatigue et une meilleure attention. Par ailleurs, ils ont vu leur comportement s'améliorer sur le plan émotionnel, cognitif et social. En conclusion, les chercheurs préconisent de pratiquer régulièrement pour apprendre à se maîtriser physiquement et émotionnellement. Autrement dit, prendre conscience de ses pensées en mettant en place une juste distance entre soi et ses émotions. Par ailleurs, les personnes souffrant de troubles de déficit d'attention ou d'hyperactivité ou ayant des difficultés d'apprentissage pourraient bénéficier de la méthode pour améliorer leur niveau et leur attitude scolaire. Une précédente étude américaine parue dans la revue Translational Psychiatry a montré que combiner des séances de méditation et de sport deux fois par semaine pendant 2 mois réduisait les symptômes associés à la dépression de 40%. Des chercheurs américains de la Carnegie Mellon University ont quant à eux observé que 35 chômeurs stressés qui avaient médité développaient fortement dans leur cerveau la connexion d'un certain réseau de neurones liés au repos. Or, ce réseau était défaillant chez les sujets dans des régions importantes du cerveau qui commandent l'attention et le contrôle exécutif, c'est-à-dire le processus qui oriente nos comportements. Wow, la science du cerveau est quelque chose qui me fascine au plus haut point. Allez lire l'article et voir les références aussi. Il y a plusieurs mots qui sont cliquables dans l'article. Pour en savoir plus, c'est sur assemblagerequis.com. Nous voilà arrivés à la fin de Merci Science. Il nous reste seulement le segment Geek CNX dans quelques instants. Mais avant ça, en musique chiptune, on s'en va entendre une pièce de Gar Valve. Voici Cyber Dancery. NPS, le Mathieu Plante Show sur ses fous. We'll be right back. donc bien du goût aujourd'hui, moi, Marsha the Squishy Fish par Wire Supply. Une chanson inspirée par la bonne humeur, tout ce qui se passe dans la tête d'un axolotl. Tu sais, le petit poisson, genre bizarre, qui devrait faire un film de Disney avec ça. Axolotl, super cute, allez voir ça sur Google. Donc, c'est comme ça, c'est l'inspiration qui est venue à Power Supply. Et on la pose, c'était Garvalf avec Cyber Dancery. On m'a dit plein de choses. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le segment Geek Cynix. CNX, c'est le segment où on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. J'ai à peu près deux fois le nombre de nouvelles qui rentrent dans la case qui nous reste dans l'émission, donc on va y aller avec le premier bloc. Hein. On commence par des robots. T'sais, d'habitude, je classe en, par les robots en premier. Donc, le robot bio-hybride issu de la bouche d'un lièvre de mer. En combinant les tissus musculaires provenant de la bouche d'un lièvre de mer et des pièces imprimées en 3D, des chercheurs ont créé un robot bio-hybride qui se déplace en rampant comme une tortue. L'objectif est qu'un jour, ce type d'engin puisse servir à des missions d'exploration sous-marine de longue durée que des robots classiques ne pourraient pas accomplir à faute d'une autonomie suffisante. Donc, on parle souvent de travaux de robotique basés sur le biomimétisme à l'émission. Ces robots inspirés du ver de terre, du poulpe, de l'araignée terrestre ou encore de l'araignée d'eau. Un autre axe de recherche consiste à tenter de créer des robots vivants organiques ou semi-organiques, nous dit Futura Science. Cela s'est fait il y a peu de temps à l'université de Harvard, où une équipe a fabriqué un mini-robot inspiré de la raie, composé d'un squelette à base d'or et d'un corps en polymère recouvert de cellules musculaires cardiaques génétiquement modifiées pour réagir à la lumière. Ainsi, des pulsations lumineuses différemment modulées ont permis de contrôler la direction et la vitesse du robot. Dans le même esprit, une équipe de la Case Western Reserve University vient de créer un robot bio-hybride fabriqué à partir de la bouche de l'espèce d'Aplysie, donc Aplysia californica, plus connue sous l'appellation de lièvre de mer. Plus précisément, les chercheurs emmenés par Victoria Webster, étudiante en thèse de doctorat, se sont servis des muscles de la bouche de ce mollusque gastéropode qui ont été montés sur un squelette en polymère fabriqué par impression 3D. Un champ électrique externe provoque une contraction des muscles qui font bouger le robot. Comme on peut le voir dans une petite vidéo sur assemblagerequis.com, les mouvements sont sommaires et très lents, 0,43 cm par minute selon les chercheurs. Le choix s'est porté sur A Californica parce que l'animal supporte bien une large gamme de température et de salinité et qu'il évolue aussi bien en eau profonde que près de la surface. L'avantage de cellules musculaires est multiple, elles peuvent s'alimenter à partir de nutriments qu'elles absorbent dans l'eau. Elles sont beaucoup plus souples et offrent une meilleure puissance massique que des actuateurs mécaniques. Mais il ne s'agit pas là que d'une première étape. Je cite, nous construisons une machine vivante, un robot bio-hybride qui n'est pas encore complètement organique. Avec ses mentors, elle travaille, donc Mme Victoria Webster, sur des futures versions de son robot qui incorporera des ganglions, des neurones et des nerfs, lesquels feront office de contrôleurs organiques pour actionner les muscles sous l'effet d'une stimulation électrique ou bien chimique. Mais à quoi pourrait servir ce type de robot? L'équipe de la Case Western University pense que lâché en petits groupes, il pourrait, par exemple, aller localiser la source d'une fuite toxique dans un étang ou bien explorer les profondeurs des mers pour retrouver la boîte noire d'un avion. Une mission de longue durée pour laquelle les robots sous-marins actuels n'ont pas une autonomie suffisante. L'autre avantage important d'un robot totalement organique est qu'il serait peu onéreux et pourrait être laissé sur place une fois la mission complétée, sans risque de pollution de l'environnement car il serait mangé ou se décomposerait. L'équipe travaille actuellement sur la stimulation des ganglions de cette aplysie pour les transformer en télécommandes susceptibles de contrôler la marche avant et arrière du robot. Il est également question de tester des versions organiques ainsi que de diverses configurations géométriques afin d'obtenir un mouvement le plus efficace possible. Ne soyez pas surpris si un robot cogne un jour à votre porte. Hein, il n'y a pas que les drones qui puissent vous livrer le souper à la maison, hein, comme on a déjà parlé ici. Les robots pourront le faire aussi très bientôt. L'application Just Eat, qui permet de commander les repas en ligne, se prépare à entamer l'expérience à Londres. Grâce à l'entreprise de développement Starship Technologies, créée en 2004 par les cofondateurs de Skype, des robots livreurs parcourront prochainement les rues de la plus grande ville du Royaume-Uni. Une fois le robot arrivé à sa destination, ce dernier utilise des caméras et des capteurs pour se déplacer. Les clients peuvent le déverrouiller à l'aide d'un mot de passe et récupérer leur commande. Les capacités des robots demeurent néanmoins limitées pour le moment, étant seulement capables de livrer dans un périmètre restreint autour de leur point d'origine. Just Eat espère pouvoir exporter l'idée à d'autres pays, mais aucune date n'a encore été donnée. Maintenant, on passe à l'intelligence artificielle. Un film co-scénarisé par cette dite intelligence artificielle. Une campagne de sociofinancement vient d'être lancée pour produire le premier long métrage co-scénarisé par de l'intelligence artificielle. Les créateurs de ce film, intitulé Impossible Things, veulent miser sur l'intelligence artificielle pour obtenir le film d'horreur le plus efficace possible. L'entreprise ontarienne qui est derrière l'idée, Greenlight Essentials, souhaite puiser dans la masse d'informations disponibles sur le cinéma pour formater un film parfaitement adapté au goût de l'auditoire. Selon elle, c'est parce que le processus créatif traditionnel fait fi de ces données que 87% des films sortis en salle n'atteignent pas le seuil de la rentabilité. Cependant, tout n'est pas gagné pour autant. L'intelligence artificielle est utile pour repérer des tendances ou des similitudes dans un vaste amas de données, mais peut-être créative. Pas suffisamment selon les créateurs d'Impossible Things. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'échec du court-métrage Sunspring, entièrement scénarisé par l'intelligence artificielle. Cette dernière a assemblé des éléments narratifs sans nécessairement chercher à suivre une logique sous-jacente, ce qui fait que l'histoire perd un peu de son sens. C'est là que l'humain intervient. L'intelligence artificielle extrait de l'information utile aux créateurs qui peuvent ensuite l'organiser selon une complexité scénaristique, ce que l'ordinateur ne peut pas faire lui-même. C'est pour ça que l'équipe de Greenlight Essentials parle d'une co-scénarisation et non pas d'une scénarisation. Le moteur de base de données figure d'ailleurs au générique du film. Selon elle, cette collaboration entre les ordinateurs et la créativité humaine représente l'avenir du cinéma. Le reste de l'historique de la chose, de tout ça, est sur assemblagerequis.com. Je vais sauter quelques paragraphes et aller à la fin. Dans le cas du scénario du film Impossible Things, l'intelligence artificielle a généré la prémisse et les tournants de l'intrigue. Il fallait ensuite que l'équipe créative prenne ses ingrédients pour créer une histoire cohérente et efficace. Par exemple, pour obtenir un bon film d'horreur, l'intelligence artificielle a déterminé qu'il fallait quelques fantômes et des relations familiales. Au moment de démarrer la campagne Kickstarter pour la création du film, le scénario était déjà terminé. C'est donc la production que les fonds recherchés financeraient. La livraison du film, si tout va bien, est prévue pour octobre prochain. L'équipe a l'objectif d'amasser 30 000 $ en 58 jours. Allons voir la campagne sur Kickstarter pour voir où on est rendu en temps réel. On est rendu à même pas 6000 $ sur 30 000, mais il reste encore 2 mois, 58 jours. Allez voir Impossible Things, World's First AI Co-Written Feature Film sur assemblagerequis.com sur Kickstarter. La réalité virtuelle, toujours... de l'intelligence artificielle, nous passons à la réalité virtuelle qui s'invite aux Jeux olympiques de Rio. La chaîne de télévision nord-américaine NBC, c'est un réseau, pas une chaîne, proposera à ses abonnés payants possédant un casque de réalité virtuelle Samsung et un smartphone compatible de suivre une partie des Jeux olympiques cet été en immersion totale. Les cérémonies d'ouverture ou de clôture depuis le stade Maracanã à Rio, ainsi que des épreuves comme l'athlétisme, la gymnastique ou encore la boxe sont au programme. J'aurais vraiment espéré le volleyball de plage, mais bon. NBC, donc un réseau qui va retransmettre les Jeux olympiques de Rio en août prochain aux États-Unis, proposera pour la première fois une partie de la compétition en réalité virtuelle grâce au casque Samsung Gear VR. Sur les 4500 heures, wow, de retransmission programmée dans son dispositif Jeux Olympiques 2016, NBC a prévu d'en consacrer 85 à la réalité virtuelle. Les téléspectateurs vont ainsi être transportés au cœur de l'événement et pouvoir assister à plusieurs épreuves majeures des Olympiades comme s'ils avaient fait le déplacement eux-mêmes à Rio. Vivre les cérémonies d'ouverture ou de clôture, assister au tournoi masculin de basket, regarder du beach volley, il commence à dire n'importe quoi, là, mais ça commence à me tenter. Toutes ces expériences immersives en 360 degrés seront rendues possibles grâce au partenariat signé avec Samsung. Ça se répète. Ce dispositif reste néanmoins à la disposition d'une petite poignée de téléspectateurs. Pour vivre les Jeux olympiques de Rio de cette manière, il faut tout d'abord être basé aux États-Unis, souscrire à une offre de télévision payante, être en possession de smartphone compatible avec le casque Samsung Gear VR. Ça, c'est seulement le Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5. Si toutes ces conditions sont réunies, les personnes intéressées pourront alors télécharger l'application NBC Sports qui leur permettra de regarder tout ça. Cette immersion et cette liberté de regard pourraient également gagner les téléspectateurs ailleurs dans le monde. Prochainement, on verra. On parle entre autres de France. On verra bien. Peut-être pas cette année, dans 4 ans peut-être. On parle maintenant de voitures électriques. Tesla veut construire des camions, des bus et nous faire gagner de l'argent. Elon Musk vient de dévoiler la deuxième partie de son master plan qui verra le constructeur automobile Tesla se lancer dans la fabrication de camions, de bus et de véhicules utilitaires. Il est aussi question de développer un service de partage de voitures autonomes qui permettra à leurs propriétaires d'être rémunérés lorsqu'ils ne les utilisent pas. Il y a 10 ans de cela, Elon Musk, le fondateur et président des entreprises Tesla Motors, SpaceX et SolarCity, dévoilait The Secret Tesla Motors Master Plan, donc le plan directeur secret de Tesla Motors. Il y avait 4 objectifs à atteindre: créer une voiture électrique en petite série vendue à un prix élevé. Ensuite, utiliser l'argent pour développer un deuxième modèle moins cher et produit en plus grande quantité. Ensuite, utiliser ses fonds supplémentaires pour concevoir un modèle abordable fabriqué en très grande série. Et finalement, fournir de l'énergie solaire. Une décennie plus tard, Musk a pour l'essentiel gagné son pari. Le succès du Roadster Tesla en 2008, vendu 109 000 $ et écoulé à plus de 2400 exemplaires, a permis de lancer la Model S en 2012, une berline 5 portes dont le prix de base était de 70 000 $. C'est vendu à plus de 107 000 exemplaires, ouvrant la voie à la commercialisation du fameux modèle de grande série qui est le Tesla Model 3, dévoilé en avril et qui sera disponible l'année prochaine au tarif de 35 000 $, la moitié du prix. Plus de 375 000 commandes ont déjà été enregistrées d'ailleurs pour la Model 3. Pour ce qui est du solaire, Elon Musk est à l'origine de la création de l'entreprise SolarCity en 2006 qui fabrique, finance et installe des panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Dirigé par ses deux cousins, SolarCity est aujourd'hui l'un des principaux prestataires dans ce domaine aux États-Unis. Fort de cette réussite, le très prolifique patron vient d'annoncer son Master Plan Part 2. La deuxième phase de son grand projet s'annonce encore plus ambitieuse. En résumé, on parle de... 1. Concevoir des bus électriques de nouveau genre, mais aussi des camions poids lourds ainsi que des véhicules utilitaires de type pick-up. Ensuite, créer une offre photovoltaïque domestique avec batterie capable de s'intégrer esthétiquement. Ensuite, développer la conduite autonome de sorte à la rendre 10 fois plus sûre que la conduite manuelle. Et finalement, proposer un service de partage de voitures autonomes auquel tous les propriétaires de Tesla pourront se joindre afin de tirer les revenus de leur véhicule lorsqu'ils ne s'en servent pas. Pour Elon Musk, être constructeur automobile reconnu n'est pas une fin en soi. Le but poursuivi est d'accélérer l'avènement de l'énergie durable. Par définition, je cite, « Nous devons à un moment donné parvenir à une économie de l'énergie durable où nous allons manquer de combustibles fossiles à brûler et la civilisation s'effondrera. » C'est pour aller dans cette direction qu'il a récemment annoncé que Tesla Motors se portait à l'acquéreur de SolarCity, dont Musk est l'actionnaire majoritaire, pour 2,8 milliards de dollars. L'idée est de réunir la solution de stockage d'énergie renouvelable Powerwall qu'a créé Tesla avec l'offre d'installation photovoltaïque de SolarCity. Le but, à la fin, à terme, est de proposer aux particuliers un produit complet, simple et esthétique qui se pilotera depuis un smartphone. Au final, de constructeur automobile, Tesla va se transformer en entreprise d'énergie renouvelable. Beaucoup d'observateurs sont aujourd'hui sceptiques sur la viabilité économique du rapprochement entre Tesla Motors et SolarCity. Pourtant, ce pari audacieux de Elon Musk repose sur une vision qui ouvre de vraies perspectives, nous dit Futura Science. Dans un futur où les énergies renouvelables et en particulier le solaire feront partie de notre quotidien, pourquoi ne pas imaginer que l'on puisse acheter en même temps sa voiture électrique ainsi que toute l'installation de production photovoltaïque et de stockage qui sert à son habitation? Ce créerait alors un cercle vertueux qui pourrait voir la maison et la voiture partager leur énergie. On reste dans les voitures autonomes qui devront disposer d'une boîte noire en Allemagne. Suite à l'accident récemment survenu à bord d'une voiture Tesla, il y en a plusieurs, l'Allemagne souhaite pouvoir mettre au clair les responsabilités en cas d'accident avec la présence d'une boîte noire. Le mois dernier, on parlait d'un homme qui avait trouvé la mort à bord d'une voiture Tesla configurée en pilotage automatique. Il était en train de lire un DVD, fait que ça compte pas, hein? Bref, l'Allemagne veut quand même faire quelque chose pour éviter d'autres conséquences. Le gouvernement allemand souhaite faire passer une nouvelle loi selon laquelle chaque véhicule doté d'un pilote automatique devra disposer d'une boîte noire. En cas d'accident, cette dernière aidera donc les autorités à déterminer les causes ainsi que les personnes fautives. Cette boîte sera activée dès que le dispositif prend la main sur le pilotage. Selon le ministre des Transports, Alexander Dobrindt, les conducteurs d'un véhicule autonome ne seront pas obligés de faire attention au trafic ou de se concentrer sur la route, mais ils devront rester assis sur le siège du conducteur afin de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Pour l'Allemagne, l'enjeu est particulièrement important puisque le pays accueille de grands groupes comme Volkswagen, Audi, Daimler, Mercedes-Benz ou encore BMW. Reste à savoir si d'autres gouvernements mettront en place une législation similaire. On rappelle d'ailleurs que Tesla a des boîtes noires. En fait, pas une boîte noire, mais un système de journal, si on veut. Donc, c'est pour ça que Tesla a pu déterminer toutes les activités qui étaient en train de se passer dans l'auto pendant que le gars faisait un accident. Hein? Justement, allons-y avec une autre mort. L'accident mortel à bord d'une Tesla, la vitesse était en cause apparemment. D'après la direction de la sécurité routière des États-Unis, le conducteur décédé à bord d'une Tesla dont l'autopilote était actif roulait manifestement trop vite. La cause probable de l'accident reste à déterminer. C'était le 7 mai dernier, un homme est mort à bord d'une voiture, tristement banale, mais ce fait divers tragique revêt une toute autre importance puisque le véhicule en question était une Tesla dont l'autopilote, la fonction qui permet à la voiture de profiter d'une assistance à la conduite particulièrement avancée, était actif. Les investigations sont donc importantes car elles doivent déterminer quelle est la part de responsabilité de ce dispositif dans l'accident qui a eu lieu. Et alors que le chauffeur du camion impliqué dans l'accident de l'autre fois, on se rappelle du DVD, c'est au tour de la NTSB d'apporter son éclairage sur cette affaire. D'après elle, la voiture roulait à un peu moins de 120 km/h sur une route limitée à 100 km/h au moment où elle a percuté un camion. Elle affirme par ailleurs que le régulateur de vitesse et la fonctionnalité de maintien dans la file étaient activés. La direction de la sécurité routière des États-Unis et les services de police n'ont pour l'instant pas encore établi précisément les causes de l'accident. De son côté, Elon Musk s'efforce de défendre son système face aux réactions hostiles de certaines associations comme la National Highway Traffic Safety Administration qui se posent des questions sur l'autopilote. Allons-y avec une bonne nouvelle dans ce cas-ci. L'autopilote de Tesla qui a sauvé une vie selon Elon Musk. Il a relayé sur son compte Twitter le message d'un utilisateur de Tesla qui affirme que l'autopilote de sa voiture a probablement sauvé une vie. Tesla est dans la tourmente, on sait. Je cherche le début de l'article qui n'est pas un rappel des précédents faits. Donc l'homme d'affaires avait assuré que l'automobiliste qui avait mis en cause l'autopilote de la marque aurait pu éviter l'accident s'il avait fait bon usage de ce dernier en laissant ses mains sur le volant. Ça, c'est encore un rappel de précédents faits. Musk a diffusé sur Twitter donc que... que le mode autopilote a opéré un freinage d'urgence pour éviter en pleine nuit un piéton habillé de vêtements sombres et que le conducteur n'avait pas remarqué. Voilà. Le but est évidemment de prouver que l'autopilote constitue davantage une sécurité qu'un risque. Je pense que c'est vraiment évident au peu d'accidents qu'il y a eu jusqu'à maintenant et des accidents qui étaient aucunement de la faute de la voiture. Il faut dire donc que la marque mise gros sur ce dispositif qui doit à terme permettre à Tesla de proposer des véhicules autonomes comme l'annonçait récemment Musk dans la deuxième partie de son master plan, comme on en parlait tantôt. Maintenant, toujours chez Tesla, on installe les premiers superchargeurs sur aires d'autoroute. Tesla poursuit le développement de son réseau de superchargeurs en France. En marge de la révélation de la deuxième partie du Master Plan, Tesla a annoncé la semaine dernière avoir franchi la barre des 40 superchargeurs en France. Les deux derniers sites inaugurés sont aussi et surtout les deux premiers chargeurs situés sur des aires d'autoroute, ce qui marque une étape importante. Jusqu'à présent, les superchargeurs se trouvaient à proximité, mais en dehors des réseaux autoroutiers de France, le plus souvent sur les parkings d'hôtels du groupe Accor. Désavantage, il fallait sortir de l'autoroute et parcourir quelques kilomètres en zone d'activité. Avantage, on bénéficiait généralement d'un environnement plus reposant. Lorsqu'il faut recharger de 20 à 40 minutes les batteries de sa voiture 100% électrique, le bar d'un nouveau hôtel ou d'un Ibis est plus agréable qu'une station-service d'autoroute. Tesla a donc ouvert deux premières stations sur les aires Reims, Champagne, Nord et Sud sur l'A4 entre Paris et l'Alsace et la gare sur l'A75 entre Clermont-Ferrand et Narbonne. De zéro station il y a deux ans à un peu moins de 30 stations il y a un an, oui, Tesla atteint désormais 41 stations en France, de quoi rallier n'importe quel point de France métropolitaine, nous disent-ils. Le constructeur précise avoir renforcé ses sites existants en passant la majorité des stations ne disposant que de 2 ou 4 points de charge à 8 ou 10 points de charge, ce qui limite le risque de doubler le temps d'immobilisation en arrivant à une station complète. Il indique en outre avoir encore accéléré le rythme des dernières semaines en vue des grands chassés croisés estivaux et de l'afflux des propriétaires de Tesla venant de toute l'Europe. Les 230 superchargeurs en Europe permettent de rallier Barcelone au cercle arctique en Norvège ou Rome à Édimbourg. On croise effectivement sur les routes françaises des Tesla immatriculés en Norvège ou au Danemark. On rappelle en fait que la charge sur le réseau de superchargeurs est incluse en illimité à l'achat d'une Tesla Model S et X. Elle sera en revanche en supplément sur tout ou en partie des futurs Model 3, étant donné que c'est le modèle moins cher. Les modalités restent à définir. Je me rappelle d'une nouvelle que j'ai faite en introduction d'émission. Est-ce que c'était celui-là? Ça, on a déjà parlé, le Mario Kart qui fait de vous un meilleur conducteur. L'article est un petit peu plus long que le dernier que j'avais mentionné en bref. Je vais quand même vous laisser aller le lire sur assemblagerequis.com. On va aller avec les deux nouvelles de piétons et de cellulaire au volant, qui est à parler de voiture. Donc, une coroner recommande l'interdiction complète du cellulaire au volant. La mort d'une piétonne de Saint-Alexandre de Kamouraska incite la coroner Renée Roussel à demander du changement. Elle recommande une législation plus sévère et des solutions technologiques pour empêcher l'utilisation de cellulaire au volant, même avec un système main libre. Ce texte de Radio-Canada.ca. Florilda Castonguay, une femme de 75 ans, a été happée dans le dos mortellement par un véhicule alors qu'elle se promenait sur une rue sans trottoir à Saint-Alexandre du Kamouraska. L'accident est survenu le 29 novembre en plein après-midi, le 29 novembre dernier. Selon l'enquête de la Sûreté du Québec, le conducteur du véhicule était accaparé par son cellulaire. La coroner Roussel est d'avis qu'il faut bannir complètement l'utilisation du cellulaire au volant, y compris l'utilisation avec le système Bluetooth. Selon elle, les solutions éducatives ne fonctionnent pas puisque les pénalités se limitent à des amendes et à la perte de points d'inaptitude. Elle propose plutôt des solutions technologiques telles que l'imposition d'un système de brouillage des ondes cellulaires à bord des véhicules. Par ailleurs, la coroner note que l'absence de trottoir a contribué à cette mort tragique, de même que le non-respect des règles de sécurité qui veulent que les piétons marchent face à la circulation lorsqu'ils circulent dans la rue. Et dans le même genre, il y a un conseiller de Vancouver qui veut s'attaquer au problème des piétons qui textent en marchant. Le conseil municipal de Vancouver veut interdire aux piétons de texter en traversant à une intersection. Jeff Meggs affirme qu'il une motion comme celle approuvée par le conseil municipal de Toronto le 14 juillet dernier pour interdire aux piétons qui traversent la rue l'usage de tout appareil électronique. Je cite, on s'attaque souvent aux conducteurs distraits. Je crois que les piétons sur les routes ne devraient pas texter. Ils devraient faire attention à la circulation. Je suis d'accord. Monsieur Meggs a expliqué que la ville a pour objectif de faire passer le nombre de morts dans les rues de Vancouver à zéro. Selon lui, la ville pourrait ajouter une disposition anti-texto aux mesures qui sont déjà en place pour essayer d'éliminer les décès et les blessures de piétons, surtout depuis Pokémon Go. Ces mesures incluent la réduction des limites de vitesse dans certains secteurs de la ville, ayant historiquement un nombre plus élevé de morts de piétons. L'Ontario a décidé le 15 juillet dernier de ne pas modifier sa loi sur les transports pour faire interdire l'usage d'appareils mobiles par les piétons. Le gouvernement provincial a indiqué par la suite à la ville de Toronto qu'elle n'avait pas besoin de son autorisation d'action pour mettre en œuvre un règlement municipal pour interdire aux résidents de texter en marchant dans les rues. Le conseil municipal de Toronto étudie actuellement ses options pour l'adoption d'un tel règlement. Voilà, c'est tout pour le bloc CNX. Il nous reste d'autres nouvelles qu'on fera la semaine prochaine. Mais nous, ça va être le moment de terminer cette jolie petite émission qu'on a vécue ensemble. Un bon 2 heures. C'était parfait comme moment, n'est-ce pas? On se retrouve donc la semaine prochaine, les mercredis entre 15h et 17h. On t'en rappelle, les jeudis entre... à quelle heure déjà? Jeudi entre midi et 14h. Oui, les mardis à 10h. Voilà. Je vous retrouve aussi à Assemblage Rocky en direct les mardis de 14h à 17h, ainsi que la plupart des soirs jusqu'à la fin du mois de juillet pour la mise en onde des Aigles. Il y a un match ce soir d'ailleurs, juste après Audiomatique. Ça en vient. Faut commencer par le commencement. Audiomatique, c'est toujours bon. Pour les versions complètes sur cif.ca, retrouvez les notes de l'émission et balado diffusion sur assemblagerequis.com de la part de Samuel Girard et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante. Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante. Et vous avez été Plante et bye bye.